Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui une semaine sur trois vous parle de cinéma fantastique. C'est la deuxième saison, je suis toujours Corentin et Roman est évidemment là. Roman, comment ça va? Mais ça va bien et toi, ça va bien? Mais ça va très bien, l'été est passé et puis bah pour cette nouvelle saison, on prend les mêmes, on recommence, on refait la même chose, c'est pour ça qu'on parle de remake. Oui, c'était scripté, j'en suis extrêmement fier. Magnifique. Donc voilà, après un été où toutes les semaines, on vous a parlé de différents films sur différents thèmes, on a parlé de Maisons Hantées, on a parlé de Moutons Mutants, on a parlé de Body Swap, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé de Grosses Bébêtes, enfin bref, oui. On a parlé de plein de thèmes différents pendant l'été pour ne pas vous laisser tout seul, et on revient à la rentrée en parlant de remake. Alors, pour mettre tout de suite les pieds dans le bas, Roman, toi les remakes, pour, contre, oui, non, comment tu te sens vis-à-vis de cette vague que je vais détailler un petit peu après, j'ai un petit historique, mais comment tu te sens vis-à-vis de cette mode? Bah, le principe du remake, c'est comme tout, c'est-à-dire que ça dépend de l'intention derrière, hein. C'est-à-dire que bah, si on a des remakes dans cette liste qui vont faire les choses radicalement différemment, et là, je suis pour. Et après, il y a des mecs comme Gus Van Sant qui vont faire le remake de Psychose. Je trouve pas du tout inintéressant son remake. Hein. Je trouve c'est pas le sujet, mais enfin c'est pas n'est pas dans la section, mais je trouve là, son remake de Psycho, je trouve plus intéressant que certains autres remakes. Comme j'en ai un dans ligne de mire, c'est le Freddy, moi qui a vraiment ma némésis en termes de remake. Mais je trouve pas dégueu son remake de Psychose. Bah, c'est du plan par plan quoi. Ouais, mais c'est un film concept, c'est-à-dire que c'est si tu veux faire un vrai remake, bah théoriquement c'est ça. Oui, bah justement, on en reparlera sur Suspiria, il y a certaines déclarations de Dario Argento à ce sujet. J'ai vu passer ça. Mais donc oui, bah les remakes, bah on en adore plein, c'est pas la première fois qu'on parle d'un remake dans l'émission, on a parlé de La Mouche dans l'épisode sur Body Horror. L'épisode, c'était en début, ça c'était épisode 3 ou 4 je crois. Épisode 4, ouais. Ouais, c'était un des premiers épisodes qu'on avait fait. Ouais. On avait parlé de La Mouche effectivement, et puis enfin... Le but, c'est pas de faire une liste non exhaustive des remakes qui sont meilleurs ou pas. Même le remake de Black Christmas, on en a parlé. Oui, effectivement, mais même des remakes connus, il y a The Thing, enfin, bref, oui, y a oui. Tout un tas de remakes. Mais justement, est-ce que tu as des remakes que tu nous conseillerais dans le fantastique ou autre? Oh bah, il y en a plein. J'en ai une petite liste pour la fin. Moi, il y en a un que je peux placer en intro, que je peux placer en ouverture, on va dire, en apéritif, qui est un remake que j'hésitais à prendre pour l'épisode, dont personne ne parle et que moi j'aime plutôt bien, c'est Silent House. Je sais pas si tu vois ce que c'est un film de Chris Kenty, c'est Laura Lao avec Elisabeth Olsen. Non. Voilà, donc déjà ma chérie est à l'écran, donc tout naturellement je ne peux pas refuser ça. Non, Chris Kenty, Laura Lao, simplement, c'est ceux qui avaient fait Open Water, le premier, okay. Qui était un film que moi j'aimais beaucoup, mais qui est vraiment un film concept pour le coup. Enfin, qui est un film qui est radical, on peut, qui a ses détracteurs. Toi, tu l'aimes plutôt bien l'Open Water ou pas tant que ça? Je crois ne pas avoir vu Open Water. C'est celui où un couple se retrouve dans l'eau, ouais, avec des requins et c'est quasiment filmé. C'est filmé très rude. Non, j'ai pas vu. Non, non. Bah, c'est moi. Bah, moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est un film qui m'a fait très très peur lorsque je l'avais vu. Et Chris Kentis, maintenant, ils font plus de films ensemble. Mais Chris Kentis, récemment, il avait fait Virus 32, qui était une busserie tout à fait correcte, ma foi. Et en fait, Silent House, c'est le remake d'un film uruguayen qui s'appelle The Silent House, ou La Casa Muda dans sa langue originale. Et c'était un film de maison hantée entièrement en plan séquence. Alors, faux plan séquence. Mais. C'est alors l'original est un film très imparfait, c'est-à-dire c'est un film où globalement tu vas passer 45 minutes à bien te faire chier, 25 minutes où là ça monte un peu, on flippe un peu, il y a un truc qui se passe, et la fin, bon, le scénario est un petit peu compliqué à reboucler. Le remake corrige pas tout ça, mais est vraiment sympathique et apporte un peu de dynamisme, et c'est un remake que je préfère vraiment à l'original, et personne n'en parle après. Le problème, c'est que, comme tous les films filmés intégralement en faux, vrai plan séquence, enfin tous, une grande majorité on va dire, le procédé fait qu'on va se faire un peu chier à un moment, et là Silent House ça manque pas, il y a quand même un petit ventre mou, mais c'est un remake que je conseille qui est pas trop mis en avant, que je trouve éminemment sympathique et que je recommande très, tout naturellement. Et en conséquence, voyez Nightshot. Oui, Nightshot aussi, qui est de Hugo Koenig. Et toi, est-ce qu'en apéro, on va dire, il y a un remake dont tu aimerais parler rapidement? Ah bah écoute, j'en ai sélectionné une petite tripotée. Dis-nous ça comme ça. Alors, bah évidemment, ce n'est pas encore la sélection, hein, détends-la, c'est juste les apéros. Ça, bah écoute, il y a évidemment The Thing, hein, de Carpenter. Voilà, c'est le classico-classico. Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Allez réécouter l'épisode de Carpenter, hein, fan du stream, nous aimons l'argent. On n'est pas encore payé pour ça. Voilà, La Mouche, évidemment, allez écouter l'épisode Body Horror, fan du stream, nous aimons l'argent. Le The Grudge de Shimizu qui a passé sa carrière à remaker The Grudge, hein, plus mais ou moins. C'est ça, mais et là, tout en atteignant jamais le niveau des originaux en DTV, quoi. Enfin, en DTV, en VCD. Je viens de les avoir en Blu-ray d'ailleurs. Ouais, le magnifique coffret Arrow sorti en décembre. Sorti, a sorti en quelques temps. Hein. Ouais. Le Evil Dead de Alvarez, mm-hmm. Bien évidemment parce que C'est un des meilleurs remakes de cette vague des années 2000, on va dire. C'est même mon, c'est mon Evil Dead préféré, et c'est peut-être même mon remake de film d'horreur préféré. Ça se tient tout à fait pour le coup, et Fede Alvarez qui avait hypé avec Evil Dead, qui avait hypé avec Don't Breathe, et qui a déhypé instantanément avec le remake de Massacre à la tronçonneuse. Bah, qui l'a produit, il l'a pas réalisé. Qui l'a produit, il devait le réaliser à la base, finalement il l'a pas fait, je crois que s'il était parti sur Alien, pour des raisons tout à fait valables, ma foi. D'ailleurs, on reparlera de Alvarez un petit peu plus tard dans l'épisode. Exactement. Le The Ring de Gore Verbinski. De Gore Verbinski, sorti au début des années 2000, qui était vachement bien, ouais. Ouais. Bah, mine de rien, les ça d'Andrés Muschietti. On diverge là-dessus. Je te rejoins sur le premier. Oui, le premier, surtout. Je déteste le deuxième, mais vraiment. Le premier était sympa, et je vais voir le deuxième, je fais ah non, en fait, c'est un faiseur. Alors, un dont on a parlé dans le reco de l'été, mais c'est à la maison de tir. De Colette Serra, ouais. qui est complètement crétin, mais qui est un peu rigolo. Oui. Et deux autres comme ça, le remake de Child's Play. De 2019, là ? Ouais. Je trouve la scène de fin cool dans le magasin de jouets. Ouais. Tout le reste, je trouve ça un peu osé. Je trouve l'idée d'abandonner totalement le fantastique pour en faire juste. Un méchant robot, ouais, c'est ça. Je trouve le concept intéressant. Et en petit dernier, là pour le coup, un remake qui diffère vraiment, vraiment. La petite boutique des horreurs de Frank Oz. Oui, mais ça il est exceptionnel, ça, celui-là il est vraiment fabuleux. Mais je sais pas lequel des deux je préfère. Entre l'original et le remake ? Ouais, moi c'est le remake, j'adore les deux. Confortable marge. J'adore les deux. Mais sur le Child's Play, il est intéressant, mais le problème du Child's Play, je trouve, c'est qu'il est très timide en fait. Il va plus ou moins te refaire le premier sans le côté pas acide, mais le côté vraiment piquant que le premier pouvait avoir. Ouais. Et à part la scène de fin, moi je le trouve un peu timoré, on va dire. Ouais, j'ai bien envie de le revoir du coup. Je l'ai pas revu depuis le cinéma, donc c'est quand même 4 ans. Après, il s'était bien cassé la gueule, je crois, au box-office. Ouais, il y a des chances. Bref, et donc, après cette petite mise en jambe où on évoque des remakes qui nous tiennent à cœur, on va attaquer le vif, le cœur, les films. Alors, quels sont les films que toi tu as choisis ? Alors, les films que moi j'ai choisis par ordre de passage. On a Halloween de Rob Zombie. Le premier, du coup. Le premier, oui. On a Mirrors d'Alexandre Aja. Et Suspiria de Luca Guadagnino. Et alors, moi, j'ai fait le puriste. C'est-à-dire que j'ai d'abord pris La Féline de Paul Schrader. Ensuite, j'ai pris un film qui va être compliqué à défendre, mais je vais quand même m'y atteler. La dernière maison sur la gauche de Denis Iliadis. Et enfin, Maniac, réalisé par Frank Calfoun, et produit par Alexandre Aja. Alors, on attaque tout de suite. Allez. Alors, déjà, rapidement, je ferai un petit historique rapidement sur les remakes. À ton avis, le premier remake, enfin, les premiers films considérés comme des remakes, ils datent de quand ? Il n'y avait pas des remakes justement dans les tout premiers films du ciné, les films de Méliès ou les Lumières. C'est-à-dire que les premiers remakes considérés comme tels, c'est dès 1894, c'est les Frères Lumière qui ont fait 3 versions de leur film La Sortie des Usines, okay. La Sortie de l'Usine, et 2 de leur film L'Arroseur Arrosé. C'est ce qui sont considérés comme les premiers remakes. Après, les remakes, on va pas épiloguer sur la légitimité ou non de faire des remakes. De nombreux auteurs en ont fait, on peut évidemment penser à Hitchcock qui a fait 2 fois L'Homme qui en savait trop, ou à Haneke qui a refait son propre Funny Games. Ou Cécile B2000 qui a fait 2 fois Les 10 Commandements. Voilà, donc vraiment c'est facile de pouvoir taper dessus ou quoi. Le remake, toujours est-il que le remake, si on va à l'os entre guillemets, ça reste à la base un autre regard qui peut être fait sur ça. A savoir évidemment pour les années 2000, puisque genre 5 films sur nos 6 viennent de cette période-là, enfin en tout cas... 2000-2010. Vient de post-2000. C'est l'immense vague de remakes qu'il y a eu dans les années 2000. Alors, elle vient d'où ? C'est toujours un peu compliqué à dater, mais le point de départ lancé de cette vague, c'est le Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, qui coûte 9,5 millions de dollars et qui en rapporte 107 millions. C'est beaucoup. Ce qui est absolument titanesque. Et donc, à partir de là, on a eu du Fog, on a eu du Ring, on a eu tout et son contraire, vraiment mis dans... vraiment produit dans cette période-là, notamment sous l'égide de Platinum Dune, ce cher Michael Bay toujours derrière. C'est les ça, bons. Donc on doit cette vague de remake à Michael Bay. Quelque part, oui, et on doit surtout le Freddy à Michael Bay, et ça... Bah, et le Jason, et le... Oui, et mais le Freddy, il a vraiment mis beaucoup dedans, c'est lui qui allait chercher le réalisateur, qui est un clipper à la base, il lui a écrit une lettre à la main, pour dire « je te veux ». Ouais, j'ai envie de lui imputer la responsabilité de ça. Bref, on démarre avec La Féline. Alors, La Féline, à la base, c'est quoi ? C'est un film réalisé par Jacques Tourneur en 1942. Jacques Tourneur, il est surtout connu pour Rendez-vous avec la peur, qui est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et donc, il réalise La Féline, alors... Bah, et surtout... La Féline, c'est quoi ? La Féline, c'est l'histoire d'une femme qui... est persuadée d'être une, enfin, est une descendante d'une tribu mal définie qui vénérait Satan, vénérait le diable, et qui est persuadée que sous l'impact d'émotions très fortes, elle se transforme en panthère. Ça, c'est le film de base. Maintenant, on va en parler rapidement après. Alors, d'où vient le projet de remake? C'est la Universal qui, dans cette période, donc le film date de 82, qui, dans cette période, veut remaker ses propres films. On peut évidemment penser à The Thing de Carpenter, où il y avait également le projet de la créature du lac noir de John Landis, qui, lui, pour le coup, ne s'est jamais fait. Et Universal va donc faire appel à Paul Schrader. Paul Schrader, c'est qui? C'est évidemment le scénariste de Taxi Driver, voilà. Scénariste émérite, réalisateur de génie, qui a fait nombreux films incroyables. Enfin, moi, je pense surtout à Sur les chemins de la rédemption, que je trouve absolument exceptionnel, qui récemment a fait The Master Card Owner, Card Player, etc. Et qui Card Counter, pardon. Card Counter, oui. Card Player, c'est autre chose. Et qui Card Player qui va sortir en Blu-ray chez Extra Lucid Film. Je vais pas le précommander. Et qui ils sortent 4 Argento d'un coup là. Ouais, ils font Syndrome de Stendhal, Card Player, Mother of Tears et non pas Mother of Tears. Et le sang des innocents et Lunettes noires. Et Lunettes noires, oui. Et juste sachant que juste après La Féline, Paul Schrader réalisera Mishima, qui est aussi un des plus grands films de, je trouve, du cinéma américain. Donc La Féline, c'est quoi? Il faut surtout se demander La Féline, c'est qui? Donc La Féline, comme j'ai dit, c'est Paul Schrader. Au scénario, on retrouve Alan Ormsby. Alors Alan Ormsby, c'est quelqu'un qui, en toute simplicité, a écrit le scénario du Mort-Vivant de Bob Clark. Ça va. Donc ça va. C'est quelqu'un qui gère. Schrader a évidemment réécrit une partie du script. C'est qui? Donc c'est à la photo, c'est John Bailey. Donc à nouveau Mishima, American Gigolo, également réalisé par Paul Schrader. American Gigolo, c'est un film très important pour le style très MTV clip des années 80. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est un film qui sera baigné dans les années 80. À la musique, c'est Giorgio Moroder, Midnight Express, Scarface, un artiste cultissime de musique électronique. Et son Metropolis aussi. Son Metropolis, il est sur... En fait, il a pris le Metropolis de Fritz Lang et en a fait une version d'une heure 20 avec sa musique dessus. D'une heure 20, il a coupé la moitié du film, quoi. Ouais. Mais écoute, je savais pas du tout. Et c'est aussi et surtout au décor quelqu'un, donc c'est Ferdinando Scarfiotti. Ferdinando Scarfiotti, c'est celui qui a fait les décors pour Scarface, pour Le Dernier Empereur, pour Le Conformiste. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Bertolucci, et Paul Schrader ne s'est jamais caché, s'être énormément s'inspiré de Bertolucci. Et donc, sur le film, il a dit à Scarfiotti, vas-y, tu peux faire les plans. Et du coup, il y a beaucoup de plans qui sont faits... qui ont été composés par Scarfiotti, notamment un plan que je trouve absolument magnifique, en top shot dans une église avec tous les sièges de couleurs différentes, c'est absolument magnifique. Donc, c'est quoi l'histoire de ce... Oh, et, mon dieu, j'avais oublié, le casting, Malcolm McDowell, qu'on reverra dans Halloween, voilà. Qui a, bon, évidemment, Orange Mécanique, et surtout la magnifique, la sublime Natasha Kinski, Paris, Texas, et moi, un film que j'aime beaucoup, Une fille pour le diable, qui est un film de la Hammer que j'aime vraiment énormément. Donc, pour l'histoire, donc c'est à nouveau une jeune femme qui arrive à la Nouvelle-Orléans et qui va retrouver son frère, qui est joué par Malcolm McDowell. Et après quelques jours, son frère disparaît et une prostituée est retrouvée morte, tuée par une panthère noire. Alors, en partant de ce point de départ, La Féline, c'est un film qui s'ancre dans un contexte extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est la fin du Nouvel Hollywood, c'est la libération des mœurs. Et on se retrouve avec un film qui est mené par un auteur qui est vraiment baigné dans ses années 80 et qui... Alors, bon, je vais plutôt le comparer directement au film original de Turner. Pourquoi est-ce que je trouve passionnant? C'est parce que c'est littéralement l'antithèse absolue d'un film dans son remake. C'est-à-dire que le Turner, c'est quoi? C'est des ombres, c'est beaucoup de non-dits, c'est un film qui peut presque s'avérer frustrant dans sa démarche parce qu'on ne voit rien finalement dans le Turner. C'est toujours suggéré, toujours en arrière-plan. La scène culte qui reprend ça, c'est évidemment la scène de la piscine. Et dans le remake, Paul Schrader va faire quoi? Il va tout montrer. C'est-à-dire qu'on a un film qui est extrêmement sexuel et très violent. C'est-à-dire qu'on a quand même un bras arraché, on a du sang partout, etc. Mais en même temps, c'est fait toujours avec beaucoup de finesse, je trouve. C'est-à-dire qu'il va parler de sexe, mais vraiment, il va en parler de façon très frontale, en préfigurant presque la vague de thriller érotique des années 90 qu'on pouvait avoir avec Basic Instinct, Jade, Sliver, etc. Bon, je n'ai pas cité les meilleurs là-dessus, mais bon, sauf Basic Instinct. Et donc, on a un film qui va s'opposer au remake non seulement par la forme, mais surtout sur le fond. C'est-à-dire que l'original, c'est quoi l'original? C'est un film qui va parler de la frustration de la femme, de comment la femme va être frustrée, oppressée par une société patriarcale de l'époque. Là où le remake va parler justement de la libération de la femme, de comment la femme va pouvoir se libérer sexuellement, notamment au travers d'une scène absolument incroyable de transformation. On va y revenir. C'est, alors, bon, à part ça, c'est un film qui est visuellement à tomber par terre. Il y a, c'est à peu près un plaisir de tous les instants. Moi, je pense à plusieurs images. Bon, évidemment, l'image en top shot dans l'église dont j'ai parlé, mais alors une image vers la fin lorsque, spoiler, Natasha Kinski va coucher avec son amant. Et on a une image d'elle nue en fond d'écran. Enfin, en fond d'écran, pardon, parce que je me la suis mise en fond d'écran pendant un temps. J'assume totalement nue avec une espèce de lumière bleue. La composition est incroyable, vraiment, c'est à tomber par terre. Et c'est un film qui est très démonstratif, j'en parlais à l'instant, très démonstratif mais aussi très intelligent, c'est-à-dire que oui, il va tout filmer, c'est-à-dire il va filmer les corps, il va filmer la violence, mais en même temps, lorsqu'il faut revenir à de la suggestion, en témoigne la scène de la piscine qu'il va refaire, il va aussi le savoir, justement, ne pas sombrer dans le démonstratif à tout prix et savoir prendre du recul sur son... comment dire, ce qu'il a à la base, son statut de remake, et proposer de nouveau une scène suggérée, enfin, moi je trouve ça assez exceptionnel. Je laisse quelques trucs pour la suite. Toi, Roman, La Féline, c'était comment? Est-ce que t'avais vu l'original à la base? J'avais déjà vu l'original et j'ai revu l'original avant de voir le remake. Donc, merci déjà de m'avoir fait revoir le film de Turner. Moi, c'est un film que je trouve vraiment exceptionnel. J'aime beaucoup le film de Turner. Premier jumpscare de l'histoire du cinéma. Pas le premier à proprement parler. Enfin, si, il a. Du cinéma parlant. Ouais, il a inventé ça et. Mais quel jumpscare! Mais quel jumpscare, mon dieu! Ouais. Enfin, quel film en général, je trouve moi, La Féline, vraiment, c'est un film que je trouve mais fantastique. Ouais, un jumpscare qui fait vraiment l'effet d'un bus dans la gueule. Si tu l'as, c'est bien. Je l'ai. Voilà. Alors, pour moi, La Féline, bah, je serais pas aussi déterrobique que mon collègue. C'est-à-dire que La Féline, bah, il prend le parti, du coup, d'ajouter énormément au film de Turner, de vraiment faire une vraie mythologie autour des hommes-chats. Mm-hmm. Bah, il va démarrer sur cette scène en Afrique... Oui, c'est en Afrique, a priori. Ou avec ses panthères, en détaillant le culte et tout ça. Donc oui, il va vraiment créer tout un univers autour de ça. Bah, d'ailleurs, juste qu'on parle de panthères vite fait, c'est-à-dire que le film a le nom, a le mot panthère dans son titre dans énormément de pays. C'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, c'est la marca de la pantera. La marque de la panthère. Voilà. Pareil au Brésil, hein, mais en portugais, je vais pas le faire. Sinon ça va être raciste. On va éviter. Et en Italie aussi, pareil, sinon je vais parler avec les mains et ça vous ferait que dalle vu que c'est de l'audio. Et sinon, El Beso de la Pantera en Espagne. Ça c'est classe. Voilà, le baiser de la Pantera. Mais du coup, il prend le parti d'étoffer énormément la mythologie de ces hommes-chats. Ce qui, du coup, va bien rallonger le film parce que le film fait quoi? Il fait autour de 2 heures. Il fait un tout petit peu moins de 2 heures. Ouais, alors que l'original faisait dans les 1h15. 1h20 à peu près, 1h20, il fait moins d'1h30. Alors que oui, l'original était quand même beaucoup plus simple dans sa structure, c'est-à-dire un triangle amoureux. Oui, un triangle amoureux entre le mari, la femme qui bosse au musée et... Et la féline. Irène, je crois. Irène, qui s'appelle le personnage de la panthère. Ouais. Perso, je vais quand même aller du côté de l'original, mais je reconnais, justement, comme tu l'as dit, que le remake a énormément de qualité visuelle, notamment. Visuellement, il est très bien, et évidemment, Malcolm McDowell, en gros taré. En frère incestueux, psychopathe, enfin, vraiment, c'est un... C'est ça, parce que... Après, il le fait très bien, donc... Ça, parce que, pour parler de la mythologie, l'espèce des hommes-chats ne peut se reproduire qu'entre eux. Voilà. Parce que c'est... Parce que sinon, il meurt, je crois. C'est pas ça, c'est que sinon, vu que l'acte sexuel suscite des émotions fortes, ça les transforme fatalement en panthères. Sauf que... Il a pas envie de se transformer en panthère, mais il veut quand même pouvoir profiter un petit peu. C'est pas ça, c'est que du coup, forcément, si tu couches avec... Si un homme ou une femme félin couche avec un humain... fatalement, ça se termine en griffure dans la gueule. Ce qui se passe, du coup, dans la scène avec la prostituée, exactement. Après, autre chose que je trouve vraiment passionnant sur le film, je pensais, tu parlais sur ça, c'est la façon dont il va détailler son discours, justement, autour du personnage de Natasha Kinski. Et c'est assez amusant, je trouve, parce que Paul Schrader voulait faire un film à peu près intemporel, avec un discours, une façon d'abord de parler de sexe très philosophique, très... très très auteur, en fait, finalement. Et alors, on va pas dire qu'il s'est raté, on va dire, parce que je trouve dans les faits le discours est assez moderne et vraiment très fin, avec, à nouveau, j'en ai parlé, mais quelque chose d'extrêmement sexuel. C'est vraiment un film qui transpire le sexe, ça, c'est vraiment, c'est, enfin, vous voyez l'affiche, le ton est donné, mais c'est je trouve ça assez amusant la façon dont le discours est à l'opposé de la forme, qui est ultra marqué par les années 80, c'est-à-dire que le générique est fait par David Bowie, bon, voilà, la grosse star des années 80, et donc on se retrouve vraiment avec un film qui est complètement anachronique, enfin dont le discours est complètement anachronique, mais qui est justement, je trouve, passionnant, à savoir que aussi à l'époque, entre guillemets, le film s'est complètement cassé la gueule, tout le monde l'a défoncé, et en fait Paul Schrader voulait pas que le film soit considéré comme un remake. Malheureusement, bah, ça a été vendu comme tel, Universal capitalisé sur ça, bon, le film s'est évidemment fait défoncer. Mais voilà, et c'est quasiment un film qui pourrait ne pas en être un, en fait. Notez aussi, j'avais noté un petit détail, Paul Schrader arrive en plus à mettre ses obsessions, enfin, à marquer ses obsessions dans le film, parce qu'à un moment, un des personnages lit Mishima, qui est posé sur la table, qui sera son film d'après. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un film passionnant. Et d'ailleurs aussi, j'y pense, est-ce que tu as vu la suite de l'original ? Pas du tout. Bah écoute, parce que justement, je me demandais si tu l'avais vu, moi j'ai vu le début. Ça a l'air autre, on va dire. Ok. Et donc voilà, bref. La Filine, moi, c'est un film que j'aime vraiment énormément, que je recommande vraiment, vraiment beaucoup. D'autant plus que personne le connaît, en fait, ce remake. Personne n'en parle, ce que je trouve toujours très dommage. D'autant plus pour un film aussi fort. Et une anecdote que j'aime bien sur le film. La scène de transformation de Natasha Kinski en panthère, qui est une scène qui peut avoir vieilli. Moi, je trouve qu'elle a un vrai charme, mais qui peut avoir vieilli un petit peu. Elle servit d'inspiration aux effets spéciaux de Manimal. Sûr que t'allais caser Manimal. Bah, quand vous voyez la scène, ça se voit un petit peu, mais moi, je trouve la scène vraiment très réussie. Et dernier détail aussi, j'adore l'original, mais l'original a un côté froid, vraiment... c'est ça qui me plaît, tu vois. Bah, oui, mais c'est que je trouve que t'as pas d'émotion qui sort de l'original. Là où le remake, pour moi, fonctionne beaucoup mieux sur l'émotion, sûrement. Après, lequel des deux est le meilleur, je pense quand même préférer l'original, parce que je suis tellement sidéré par la force de mise en scène que mon cœur va à l'original. Mais en revanche, je pense sincèrement préférer le message du remake. Je trouve le message et la... pas la morale, mais la patte hauteur plus forte dessus. Je préfère le remake sur ce point-là. Ok. Tu as fini sur la Féline ? Ouais, du coup, vite fait à dire où il est dispo. Ouais, il est en France, il existe en France. Il existe en Blu-ray en France, édité chez Elephant Film. Mm-hmm. Donc voilà. Et il est sur aucune plateforme en France. Oui, pour le coup, malheureusement, la filmographie de Schrader, c'est très très chiant à trouver. C'est très très chiant à trouver sur les plateformes. On fait du teasing, peut-être qu'on parlera d'un film de Paul Schrader sous peu. Peut-être, peut-être, peut-être. Très bien, à toi. Donc on passe le cap des années 2000. Voilà, et donc on arrive en 2007 pour Halloween de Rob Zombie. Alors ça, c'est un gros morceau, celui-là je le voulais vraiment, Halloween. C'est pas peu dire que c'est un gros morceau. Alors, Halloween, ou dans ses titres alternatifs, Halloween, la nuit des masques en Grèce, ce qui était le titre du film de Carpenter en France. C'était juste la nuit des masques. C'était juste la nuit des masques en France, ouais. Halloween, El Origen, en Espagne. L'origine. Ouais. Putain. Halloween Retribution dans son titre de travail. Oh putain. Alors justement, j'en parlerai après. Mais c'était à l'époque où Halloween Retribution était un titre pour un film qui devait prolonger la timeline qui faisait Halloween, Halloween 2, Halloween 6, Halloween 7, Halloween... 5. Il y a 5 dans la timeline. Non, le 4 et le 5 sont dans une autre timeline. Ok, ouais, non, les timelines d'Halloween, c'est un bordel. Ouais. Non, je crois qu'il n'y a même pas le 6 non plus. C'est Halloween 1, Halloween 2, Halloween 20 ans après, Halloween Résurrection. Et donc celui-là aurait dû être une suite à Halloween Résurrection. Et H20, c'était sa propre timeline, du coup. Non, H20 et Résurrection sont dans la même timeline. Ok. Voilà. Qui font suite au 1 et 2. Et donc Retribution devait être une suite au Halloween Resurrection, mais Halloween Resurrection étant une grosse daubasse, il s'est viandé comme il faut. Ah putain, Halloween Resurrection, quel cauchemar. Ouais. L'avantage d'Halloween Resurrection, c'est qu'on peut détester tous les autres films, il est toujours là pour rappeler qui est le pire. C'est vraiment l'avantage. Hein, c'est le maître étalon. Ah c'est lui, il est là. Et c'est dans celui-là, parce que c'est toi qui connais mieux Halloween que moi, c'est dans celui-là ou dans le 6, parce que je trouve le 6 vraiment très dur aussi. Hein. Mais c'est dans celui-là ou dans le 6, il y a plein de cuts aussi. Qu'il y a le karaté contre Michael Myers. C'est dans Résurrection. Oh, et c'est Busta Rhymes qui Busta Rhymes qui fait du kung-fu contre Michael Myers. Faut le voir pour le croire, mais voyez juste l'extrait, vous infligez pas le film, c'est une purge, vraiment. Voilà, et donc toute une flopée d'autres titres en Amérique du Sud qui peuvent se traduire globalement par Halloween le commencement. Oui, à nouveau, je comprendrai jamais les équipes marketing qui appellent un film le commencement, alors que c'est pas un préquel, enfin, compliqué, bref. Bah, si, pour le coup, parce qu'il va se concentrer beaucoup sur l'enfance de Michael. Oui, mais il te fait un préquel remake, du coup ça aurait été logique de l'appeler Le Commencement si ça avait été un autre film avant. Ouais. Toujours compliqué. Toujours. Appelons ça un pré-boot. Oh, mais quelle horreur. quelle horreur. Après le Legacy Quel, le pré-boot. Je crois que le pré-boot, c'était le terme qui avait été utilisé pour la planète des singes. Oh putain. La dernière trilogie, là. Celui de... Ah, celui de la dernière trilogie. Ouais. Qui sont des bons films, hein, mais putain, pré-boot, quoi. Pré-boot. C'est alors, ignoble. Donc le film est sorti donc le 31 août 2007. Fun fact, donc aux US et au Canada. Fun fact... Il est sorti en août. Il est sorti en août. Tu sais pourquoi? Putain, pourquoi? Parce qu'il voulait pas de concurrence avec Saw 4 qui sortait au moment d'Halloween. Ouh, la concurrence. En plus, Saw 4, je crois que c'est un des pires. Je... Moi, j'avoue, je les confonds tous, mais... Ouais, moi aussi. Donc Saw 4, il sortait le week-end d'Halloween aux États-Unis. Et donc il sort Halloween en août, quoi. C'est ça. Les Par génies. Contre, il sort le 10 octobre 2007 en France. Mmh. Il sort le 18 décembre 2007 en Blu-ray en Director's Cut, donc il rajoute 11 minutes, faisant de ce film le plus long des 13 films de la saga, avec ses 2h01. Il fait 2h, ouais, celui-là. Ouais. Et il sort, celui-là j'en parle, le 24 juillet 2009 au Brésil. Pourquoi je parle de la sortie brésilienne? Parce qu'il est amputé de 26 minutes. 26 minutes. Pour convenir à une classification moins de 14 ans. T'as plus rien en fait. T'as plus rien, c'est. Ouais. Voilà. Donc, cette fois, je vais laisser mon collègue parler un peu du réalisateur et scénariste du film, Rob Zombie. Alors, Rob Zombie, alors bon, derrière ce nom absolument merveilleux, à la base, c'est un chanteur de métal. C'est un chanteur qui s'est surtout fait connaître avec le groupe White Zombie, qui est un groupe typé métal industriel, heavy metal. Plus industriel d'ailleurs. Et qui déjà dans sa période White Zombie, avait réalisé quelques clips et on devinait que c'était quelqu'un sous influence horrifique, qui vraiment a une vraie culture horrifique et qui aime mélanger, qui aime faire appel à ses influences. C'est vraiment un réalisateur de l'influence. Enfin, un réalisateur dont les influences et les références font partie de son cinéma. Quand on parlera du casting, du Halloween... Là, ça se verra. Voilà. Et ensuite, il aura fait une carrière solo, donc réalise notamment sorti son premier album Hellbilly Deluxe fin des années 90. Très bon album de métal industriel par ailleurs, et... Il fait un morceau sur la BO de Matrix, il fait Dragula. Ouais, il fait Dragula sur Matrix, et il a plein, enfin, il a vraiment des tubes, c'est là-dedans qu'il y a Living Dead Girl, c'est là-dedans qu'il y a Super Beast, ou un morceau qui est un peu moins connu, qui est Spooktcho Baby, que moi j'aime énormément, bref. Il a fait plusieurs albums, je crois qu'il en a une petite dizaine. Living Dead Girl, c'est pas le morceau qui est dans la scène d'intro de Chucky 4. Qui est dans la fiancée de Chucky, ouais, exactement. Et donc il aura fait une petite dizaine d'albums et il était vraiment très populaire à cette période-là. Il commençait, il passait déjà derrière la caméra pour réaliser quelques-uns de ses clips. Et donc, fin des années 90, à la base, le premier projet sur lequel il devait bosser, c'était une suite de The Crow, qui ne se fera jamais. Et donc, la Universal va l'appeler pour bosser sur une attraction, dans un de ses parcs Universal. Une attraction qu'il va appeler la Maison des Mille Morts, House of a Thousand Corpses. Et en partant de cette attraction-là, une idée germe dans son esprit, une idée de film. Je ne vais pas vous détailler tout le processus pour faire le film, ça a été un peu compliqué, il y a eu des histoires de boîtes qui lâchent, bref. Je vous invite à aller voir l'excellente vidéo de As l'Épouvantail là-dessus, où il retrace tout son parcours. Et donc, il va réaliser son premier film, La Maison des Mille Morts, au début des années 2000. Film que moi j'aime énormément d'ailleurs, que j'aime bien aussi. Qui est assez fun, qui a plein de petites idées, qui est pas parfait du tout, notamment, je trouve tout son dernier tiers un peu bancal, mais vraiment, qui est assez rigolo. On sent qu'il y a une vraie envie de cinéma et qu'il y a surtout une vraie culture de l'horreur. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va juste citer, juste comme ça, La Dernière Maison sur la Gauche, La Colline à Dieu, etc. Il va faire appel à des films beaucoup plus obscurs, il va faire notamment appel à Spider Baby, qui est un film avec Sidek, que moi je trouve vraiment assez génial. Et donc, La Maison des Mille Morts a son petit succès, et donc par la suite, Rob va réaliser, je pense, ce qui est son chef-d'œuvre absolu, The Devil's Reject, suite de La Maison des Mille Morts. On suit toujours la famille Firefly. Bon, le film a été commenté dans tous les sens. Toi, tu aimes bien le Devil's Reject. J'adore The Devil's Reject. C'est évidemment un chef-d'œuvre. Bon, par contre, on commence déjà à distinguer vraiment sa patte de réalisateur. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des films très violents. Généralement, il aurait été catalogué comme réalisateur du Splat Pack avec Greg McLean et Lairot et tout ça. C'est cette vague de réalisateurs très violents dans les années 2000, mais qui faisaient pas forcément de remake. Vraiment des réalisateurs originaux, entre guillemets. Et donc, c'est quoi? C'est des films très violents, c'est des films white trash, c'est des films crades, et c'est généralement des films très nihilistes. Avec, généralement, une part, comment dire... une part presque mystique, c'est-à-dire que je vais détailler ça en parlant très rapidement de la carrière post-Halloween, mais c'est vraiment une part... je vais détailler ça sur Lords of Salem. Et également des films qui sont vraiment marqués par leur auteur, c'est-à-dire que c'est des films... on voit The Devil's Reject, on voit Halloween, on voit 31, même ces films moins bons, on devine que c'est du Rob Zombie, c'est des influences mélangées. Alors, je l'ai pas vu, mais même Monsters, il y a une patte. Alors, c'est plus discret, mais je vais en parler très rapidement. Okay. Ces influences digérées, c'est des influences mélangées, et on peut lui reprocher de vraiment mélanger ses influences, de ne faire que d'un cinéma d'influence, etc. Mais pour moi, je trouverais ça à peu près aussi légitime que si on reprochait à James Gunn de faire des influences. Parce que les deux, je trouve, une façon de digérer ça et d'en faire un cinéma très personnel qui est assez remarquable. Donc il va faire ces deux Halloween, ça aurait été une épreuve très éprouvante pour lui, surtout le deuxième. Ouais, j'en parlerai justement, surtout du rapport conflictuel avec les Weinstein. Voilà, et donc après ça, il aura une période sans réalisation. Il va revenir avec Lords of Salem, qui est peut-être son film le plus personnel. Oui. Qui est un film très clivant, que beaucoup de gens détestent, que moi je vénère. Hein, j'adore ce film, c'est un film que je trouve visuellement à tomber par terre, qui a une déclaration d'amour à sa femme, qui fait un Cherry Moon Zombie, t'en parlera je pense. Ouais. C'est un film que je trouve exceptionnel. Maintenant, c'est un film... c'est un film qui est clivant. C'est un film qui est très clivant. Je l'avais bien aimé, moi, que je le revois. Moi, c'est vraiment un film que j'adore et qui est, je trouve... beaucoup plus malin que ce qu'on peut en dire. Par la suite, il aura... Après, ça reste un film très peu subtil. Hein. On va représenter le diable, on va prendre un bouc. Vraiment pas. Mais c'est un film qui, je trouve, fait appel à d'autres influences. C'est ça que je l'appelle vraiment la culture de l'horreur. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'il a que la culture très américaine, white trash. Mais non, parce que là, dans un film, il va te faire appel à beaucoup plus de culture européenne, que ce soit certains films de Polanski. Voilà. Ou alors, vraiment, il va citer du Kenneth Anger, ce qui est... pas à la portée de tout le monde. Ensuite, il va réaliser 31, qui a une volonté de revenir à ses premiers amours, white trash, gore, Maison des Mille Morts, Devil's Reject. Le film est raté, soyons honnêtes. Moi, je le déteste pas, c'est plutôt rigolo. Il y a Richard Brake qui est dans un rôle assez génial. Mais c'est un peu compliqué. Alors, quand même. C'est surtout très cheap. Il y a justement deux films de zombies que j'ai pas vu, c'était 31 et Monsters, du coup, comme j'ai dit. Mais du coup, de ce que j'ai vu, après ça, il fait peut-être son pire film. Three From Hell, je serais tenté de te dire que son pire, ça reste 31. Parce que Three From Hell, je trouve, il y a une... Donc je suis très content de voir les Three From Hell, qui est une suite tardive de The Devil's Reject, on retrouve donc les Firefly. Moi, je suis déjà super content de revoir cette famille-là. Et j'avoue, je le déteste pas parce qu'il a un côté sale gosse. Je le déteste pas non plus, mais par rapport au reste de... Ah oui, par rapport au reste, c'est vrai que c'est pas ça. Et bon, et finalement, récemment, il aura réalisé Monsters, qui est une espèce de famille Adams américaine. Qui est du coup remake de la série télé d'époque. Voilà, qui est pas incroyable, qui est vite fait rigolo, mais bon, c'est compliqué. Pour moi, le pire, ça se dispute entre lui et 31, quoi. Ok. Et donc, Halloween. Juste pour citer de Monsters, vous avez les deux premiers épisodes en VF sur YouTube. Mm-hmm. Et je crois toute la série en VO sur YouTube. Ça se trouve très facilement. Voilà. mais du coup, donc, Halloween, donc on suit l'enfance torturée du jeune Michael Myers entre harcèlement, famille horrible et pulsions meurtrières. Après le meurtre de son beau-père, de sa grande sœur et du petit copain de cette dernière, Michael est interné, mais 15 ans plus tard, il trouve le moyen de s'évader et compte bien retourner à Haddonfield pour retrouver ce qu'il reste de sa famille. Plusieurs histoires alternatives ont été envisagées pour ce film, notamment un film sur l'internement de Michael Myers, ou un projet de Rob Zombie de faire deux films, un uniquement sur l'enfance et un sur l'âge adulte du coup de Michael. Ça se sent dans le résultat final, on voit vraiment une... on a l'impression que pendant les deux tiers c'est son film et qu'à la fin on lui a demandé de faire un remake. C'est ça, projet que les Weinstein ont refusé. Parce que s'il y avait que au niveau harcèlement sexuel et agression sexuelle, que c'était des gros cons, ça se saurait. Mais non, c'est aussi des producteurs de merde. Qui ont une influence, mais qui ne sont pas connus pour être très gentils avec leurs réalisateurs. Voilà. Dans la série des décisions de merde des Weinstein, ils ont envisagé de faire un crossover avec Hellraiser pour surfer sur la vague Freddy contre Jason. Ouais, mais ça devait être scénarisé par Clive Barker et réalisé par John Carpenter. Donc pour le coup... Je dis pas, ça donne envie quand même. Ouais, mais du coup, le projet a été annulé après les mauvaises réactions du public sur un tel projet de crossover. Et c'est surtout les descendants de Akkad qui ont bloqué. Ils ont dit non. Ils ont dit non catégorique, et Clive Barker s'était exprimé là-dessus. Lui, il était plutôt content sur le projet. Et il avait dit non, ils ont totalement bloqué ça. Ok, bah justement, on va reparler des Akkad plus tard. Donc au scénario, on retrouve donc Rob Zombie... D'après le film Halloween écrit par John Carpenter et Deborah Hill. Voilà, on vous renvoie à l'épisode sur Carpenter. Mm-hmm. Faites-nous des streams, on aime l'argent. Donc Rob Zombie se sentait d'abord très illégitime de faire ce film. Parce que c'est une commande, c'est les Weinstein qui l'ont contacté. Mais après un échange qu'il a eu avec Carpenter, Carpenter lui a dit: frérot, mon film c'est mon film, ton film c'est ton film, tu fais ce que tu veux. Il dit souvent ça sur ses remakes Carpenter, mais il devrait pas toujours quand même. The Fog. Et du coup, Rob Zombie s'est senti libre. Enfin, pas vraiment, puisque Zombie avoue que travailler avec les Weinstein est quand même une expérience assez misérable et qu'il a failli ne pas réaliser la suite. Il s'est dit que, vu le succès du premier, les Weinstein allaient le laisser tranquille sur la suite, ce qui était faux, ils étaient encore plus sur son dos. En gros, pour le premier, ils ont dit, ils étaient sur le dos de Rob Zombie parce qu'ils lui ont dit, ouais, gâche pas notre potentiel, notre potentiel pouleuse d'or. C'est ça, notre potentiel petit succès quoi. Et sur le 2, ils lui ont dit, ouais, bah, gâche pas notre pouleuse d'or justement parce que le premier a marché. Une anecdote qui est connue sur le 2, c'est que ils ont montré à Zombie des extraits du Halloween original et des extraits de son propre film Halloween en lui disant de faire pareil. Oui, et il était là, mais je connais ce film, c'est moi qui l'ai fait. Ça. Et il y a un documentaire dont on va parler rapidement après sur le film, sur le Halloween, qui dure 4 heures. 4h20, ouais, Michael Lives. Et qui a été amputé, alors j'ai vu passer des durées variées, ça va de 1 demi-heure à 2 heures, sur qui a été amputé de beaucoup de scènes où il parle d'Evenstein. Donc voilà. Parce que oui, bizarrement, bah... les coupes ont dit bizarrement les scènes ont dit. Parce que je l'ai vu en entier le documentaire et à aucun moment il ne parle d'Weinstein. Ah c'est bizarre ça. Ouais. Ah, c'est bizarre. Et donc la production fut retardée à cause de la mort de Mustapha Akkad, justement mort dans un attentat à Amman en Jordanie en 2005. Donc Mustapha Akkad qui avait produit tous les films Halloween précédents, hein, les 8 autres. Et donc la production a été reprise par son fils Malek Akkad. Puis les galères de production ont continué après une première projection test parce que ça n'a pas plu au public, donc il y a eu des reshoots qui ont été exigés. Il y a eu 5 jours de reshoots, je crois, sachant que le tournage jours, de base. Ça se voit dans le documentaire. Sachant que le tournage de base durait 30 jours. Une petite quarantaine de jours. Une petite quarantaine, pardon. Et donc notamment pour changer quelque chose, dont la fin et l'évasion de Michael Myers. Au casting, donc dans le rôle de Laurie Strode, on a Scoot Taylor Compton. Qui a fait une brosseuse de films, mais rien de bien notable. Ses rôles les plus notables, c'est bah, justement les Halloween de zombies et quelques épisodes de Charmed. Anecdote, c'est la seule actrice jouant une ado à être vraiment une ado sur le tournage. Elle a fêté ses 18 ans sur le tournage. Oui, et tu le vois dans le making-of d'ailleurs. Ouais. C'est trop mignon. Pour le coup, le making-of est vraiment sympa. Alors, faut vraiment être très fan du film pour le faire, c'est quand même 4 heures. Ouais. Mais c'est super, c'est assez mignon de voir comment toute l'équipe travaille, de voir qu'il y a une vraie implication de chacun. Et notamment de voir le regard qu'a Rob Zombie sur son travail. Enfin, moi, j'avoue, j'ai vraiment été très séduit par le making-of. Ouais. À titre de comparaison, par exemple, Daniel Harris, qui joue son ami Annie, avait 29 ans. Ça se voit. Voilà. Ce qui était d'ailleurs aussi l'âge de Nancy Loomis, qui jouait son même personnage dans le film de Carpenter. Voilà. Sachant que d'autres actrices avaient auditionné pour ce rôle, notamment Daniel Panabaker, qui sera le rôle principal du Vendredi 13 de Marcus Nispel. Ouais, de ce qui était sorti du coup 2 ans plus tard, ouais. De la même année que le Halloween 2. C'est ça. Et Emma Stone, qui à cette époque-là n'avait pas de carrière dans le cinéma, vu que son premier film c'est Super Grave en 2007. Ça aurait été génial, ça aurait été trop drôle de qu'elle démarre là-dedans. Ouais. Dans le rôle du Dr. Loomis, bah... Une fois n'est pas coutume, Michael McDowell. Malcolm McDowell. Malcolm McDowell. Il a d'ailleurs fait lâcher beaucoup de fou rire aux autres acteurs parce qu'il partait parfois dans des impros ou même quand ça coupait, il restait dans le personnage, il gueulait. C'était... Des impros à la Malcolm McDowell, quoi. C'est ça. Il avait d'ailleurs jamais vu le film de Carpenter, ce qui plaisait à Rob Zombie parce que du coup, il était pas dans une optique de singer le jeu de Donald Pleasance, mais juste de faire son propre truc. Et d'autres acteurs avaient été envisagés comme John Hurt pour le rôle. Dans le rôle du docteur, dans le rôle du shérif Brackett, on a Brad Dourif, Chucky. Voilà, Chucky himself. Perso, j'ai découvert Volo Tudan et Coucou très récemment aussi. Quel incroyable film et qu'il est beau dedans aussi. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui me fait marrer parce que du coup, t'as un plan dedans où t'as le Joker, le pingouin, Chucky et le Doc dans le futur qui jouent aux cartes. Finalement, un endroit sain, un endroit où il fait bon vivre. Dans le rôle du jeune Michael Myers, on a Dag Ferch, je crois que ça se dit. Qui s'éclate sur le tournage. C'est ça, qui s'éclate, ça se voit. Dans le making-of, c'est très drôle. Ouais, ouais, c'est le petit con dans Hancock, et il est dans quelques épisodes d'American Horror Story et de Euphoria, dans un épisode d'Euphoria. Et c'est la première fois que Michael parle dans toute la saga. Ouais. Voilà. Chose que beaucoup de gens ont regardé un fusil à la main et une épée dans l'autre. C'est ça. Dans le rôle de Michael adulte, on a Tyler Mayne. Qui est catcheur à la base. C'est ça, qui est catcheur à la base. Donc c'est Ajax dans 3, c'est Rufus Firefly dans Devil's Reject, c'est Dan Sabre dans les films X-Men. Mais qui est... ouais, dans le film, mais pas dans le X-Men Origins. C'est non, dans X-Men Origins, c'est Liv Schreiber. Ok. Mais qui fait, je trouve, un excellentissime Michael Myers. Mmh. Ouais. Qui avait aussi joué avec Scoot Taylor Compton, enfin qui jouera plus tard avec Scoot Taylor Compton dans 247 degrés Fahrenheit. J'ai jamais vu ce truc. Voilà. C'est d'ailleurs le plus grand et le plus imposant de tous les Michael Myers, puisque, bah, comme tu l'as dit, il était catcheur à la base. Il a d'ailleurs plusieurs fois effrayé l'actrice qui joue Lindsay. Voilà, il y a 2 enfants qui se font garder dans le film, il y a Tommy Doyle et Lindsay machin. Et bah, c'est Lindsay machin. Pour le coup, en plus, tu vois le Michael Myers, il doit bien faire dans les 2 mètres. Ouais. Et en termes de poids, il... je pense qu'en termes d'IMC, il doit être pas loin du négatif. Hein. C'est... Il est assez imposant quand même. Hein. Voilà. Et en autre acteur, ou plutôt actrice, dont on parlera en détail, Sherry Moon Zombie dans le rôle de Deborah Myers. La muse de Rob Zombie, sa femme à la depuis, vie. Qui n'a quasiment joué que pour lui d'ailleurs. C'est ouais, ça, elle a joué dans Toolbox Murders de Toby Hooper. Oui, elle a un petit rôle dedans. Ouais. Enfin, elle a un rôle assez conséquent dedans, mais c'est le film est ce qu'il est, quoi. Mais du coup, ils sont connus, enfin, ils sont mis ensemble. Dans Making of, elle dit que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Donc ils se sont mis ensemble à peu près au début des années 90. Ils se sont mariés le jour d'Halloween 2002. C'est vrai que j'aime ce mec. J'aime ce mec et j'aime sa femme. Enfin. Non, mais c'est un coup, elle joue dans tous ses. Elle joue Baby Firefly dans voilà, la saga des Firefly. C'est le rôle principal de Lords of Salem, qui est le film lui est. Je sais plus s'il lui est dédié ou pas, mais s'il lui est pas dédié, le film est vraiment fait pour elle à la base. Voilà. Donc, c'est vraiment sa muse absolue. Donc, c'est vraiment la figure majeure de son cinéma. Voilà, et alors là, on sort la sulfateuse pour le reste du cast parce que ça va mitrailler du gros nom. Attention. Udo Kier, Danny Trejo, Clint Howard, Bill Moseley, Sid Haig, Adrian Barbeau, Dee Wallace et Daniel Harris. Alors, qui est Daniel Harris? On en parlait un peu plus tôt. C'est la petite de Halloween 5. Halloween 4 et 5, du coup, c'est évidemment la petite Jamie Lloyd. Jamie Lloyd. Fille de Laurie Strode. Nièce de Michael Myers dans Halloween 4 et 5. Ce qui serait marrant, c'est vraiment de faire un recoupement de toutes les sagas Halloween, c'est un bordel. Ouais, ouais. C'est à la fin du 4 ou du 5 qu'il y a. Alors, j'ai cette image en tête, je saurais pas trop la détailler. Un enfant avec un couteau, et tu comprends que l'esprit de Michael Myers est venu dans le gamin. Bah, c'est dans la suite, c'est complètement annihilé. C'est ça, bah, c'est à la fin du 4. À la fin du 4, et dans le 5, tout va bien. C'est ça. Ouais, voilà, ok. Non, mais c'est. N'importe voilà. Quoi. Alors d'ailleurs, il y a eu des petits couacs sur ce rôle, c'est-à-dire que Zombie voulait qu'elle joue Laurie et que Sherry Moon Zombie joue du coup le rôle de Daniel Harris. Ah ouais, alors Sherry Moon Zombie en pote de ouais non vaut mieux pas. Voilà. Parce que Sherry Moon Zombie, elle est très belle, elle est pas mal. Hein. Mais tu n'es pas lycéenne, Sherry Moon. Tu n'es plus lycéenne. Voilà. Et d'ailleurs, Harris a accepté de jouer topless dans le film. Pour justement casser cette image de petite fille de la saga Halloween qu'elle avait. À la musique, on a Tyler Bates. Tyler Bates, qui c'est bah, les premiers James Gunn jusqu'au Gardien de la Galaxie 2, et même ouais. Jusqu'à Belko Experiment, qu'il a produit. Et c'est celui qui compose pour Fast and Furious aussi, je crois. Je suis même à peu près sûr. Il a composé pour Fast and Furious Upside Show, mais parce qu'il a fait quasiment tous les films de David Leitch jusqu'à Upside Show, justement. Donc c'est-à-dire... Bah, le premier John Wick, plus du coup, il a fait tout le reste de la saga après ça. Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious Hobbs and Shaw. C'est aussi le compositeur des films de Zack Snyder jusqu'à Sucker Punch. Mm-hmm. Le compositeur des films de Rob Zombie jusqu'à Halloween 2. Enfin, depuis Devil's Reject jusqu'à Halloween 2. Et de X et Pearl de Ty West et prochainement de FNAF. Ah bah tiens. Voilà. Et à la photo, on a Phil Parmet. Phil Parmet, bah, qui est globalement le réal attitré. Le chef attitré de Rob Zombie. Donc, qui avait travaillé avec lui sur Devil's Reject et sur sa fausse BA de Werewolf Woman of DSS. Ouais, qui était dans le Grindhouse. Qui était dans le diptyque Grindhouse avec Edgar Wright, Eli Roth, enfin bref. Voilà. Toute la bande. Alors, Halloween. Donc, Rob Zombie, il a, je pense, tout compris au principe d'un remake à ce moment-là. C'est-à-dire que il va reprendre la trame globale du Halloween de Carpenter, mais il va y ajouter sa patte, c'est-à-dire un film plus violent. Vraiment plus violent. Ah ouais, ça, oui. plus violent, qui prend son temps aussi sur s'interroger sur la psychologie des personnages, ce qui a beaucoup dans ces films, hein, notamment dans Lords of Salem, notamment dans. Bah, même dans la trilogie Firefly, ouais. Et surtout sur Michael Myers, parce que s'intéresser à des psychopathes, bah, c'est quand même très intéressant. Et c'est ce qu'il sait faire aussi. C'est, voilà. Donc en effet, Zombie dédie tout le premier tiers du film à l'enfance tourmentée de Michael Myers. Pour qu'on essaie de comprendre comment il est passé d'un enfant à problème à un meurtrier sans pour autant qu'on s'apitoie sur le sort de l'enfant. C'est-à-dire que, certes, il a une situation pas facile, hein, entre son beau-père qui est un véritable connard, sa sœur qui bah, le maltraite plus ou moins, et il n'y a que sa mère qui l'aime, hein, mais sinon le harcèlement scolaire aussi, c'est pas folichon. Et le bébé, bah, n'a pas encore le temps de le martyriser. Angel. Putain, ouais. C'est bien un nom de fille de stripteaseuse. Oui, et donc c'est clairement, clairement le gosse a des grosses pulsions meurtrières. Hein, c'est au-delà du fait qu'ils sont maltraités, il a des pulsions meurtrières de base. Et il a donc voulu radicalement changer la mythologie Halloween en cassant ce qui était le propre du film original, c'est-à-dire le mystère autour de Michael Myers. Donc c'est un parti pris très audacieux, mais qui par conséquent divise le public. Hein. On en reparlera plus tard aussi sur Suspiria. Mais du coup, si on voulait comparer un peu avec l'univers de, enfin, si on voulait comparer Michael Myers au Joker. Le Halloween de Carpenter, ce serait The Dark Knight, et le Halloween de Rob Zombie, ce serait bah, le Batman de Burton ou alors Joker. C'est-à-dire des films qui vont vraiment, vraiment centrer sur la psychologie du personnage. Personnellement, je suis assez fan de ce parti pris. Il ancre vraiment le film dans une réalité plus tangible que l'original, qui est encore une fois accentuée par la violence et la cruauté des attaques de Michael Myers. Et au-delà des scènes plus sanglantes, plus trash. On est aussi bah, sur la maltraitance d'enfants, sur du harcèlement scolaire, sur du viol carcéral dans la version longue. Ah ouais. Donc voilà, c'est très crade, le film est vraiment, vraiment salace. Donc vraiment une nature humaine beaucoup plus morbide, qui est d'ailleurs renforcée par la photo qui est vraiment plus poisseuse que dans le film de Carpenter, qui, bah, tous les films de Carpenter sont très, très clean, Très épuré en très fait. épurés, La ouais. légendaire et pure carpentarienne. Donc ouais, et la musique bah, qui est assez peu marquante, remarque, à l'exception peut-être des réorchestrations bah, des musiques de Carpenter pour son propre film, mais qui sont des réorchestrations bah, justement un peu plus lentes, un peu plus graves, toujours pour aller dans cette idée bah, de réalité plus crue. Et bah, pour finir, bah, le casting, qui, bah, je trouve, à part Scott Taylor Compton, qui bah, a peut-être un jeu légèrement plus hasardeux, mais encore une fois, il se débrouille très bien, je trouve. Et qui dégage vraiment cette espèce de tendresse, je trouve. Tout le reste du cast s'en sort à merveille. Dag Fairch en jeune Michael est nickel, je trouve. Enfin, il se force pas pour jouer le psychopathe. Il a quand même, enfin, ça reste un enfant. Il a quand même une tête d'enfant. Et enfin, je trouve que Dag Fairch est super en jeune Michael. Pareil pour Tyler Mane, hein, Tyler Mane qui assure comme une bête. Le désespoir de Sherry Moon Zombie, enfin la scène où elle se suicide, Ah oui, bah ouais, j'allais le dire, ouais, la scène de la scène suicide, où elle se suicide. qui est d'ailleurs selon elle la scène la plus dure à jouer de tout le film. Ce qui peut se comprendre. Voilà, c'est assez incroyable. La détermination de Malcolm McDowell et de Brad Dourif pour retrouver Michael, ou même le désespoir bah, de Brad Dourif quand il tombe sur Sur le cadavre de sa sur le fille, cadavre de sa qui s'est fille. fait mais massacrer de façon assez énervée. Voilà, donc. Bref, Halloween de Rob Zombie, c'est à mon sens un des modèles de comment on fait un remake, c'est-à-dire innover, apporter sa patte perso, faire différemment. Et dans la vague des remakes de slasher, c'est pour moi celui qui se démarque le plus en bien. Eh bah écoute, bah je me permets à peu près de te rejoindre sur tout. C'est-à-dire que c'est effectivement, je pense, dans cet océan de remake des années 2000, où à nouveau ça va vraiment, il y a de tout et de rien, c'est plus souvent de rien d'ailleurs. Et c'est peut-être un des plus malins, un de ceux qui a le plus de points de vue, le plus de personnalité finalement, qui va pas singer tout simplement l'original. Tu l'as dit, Rob Zombie, c'est quelqu'un qui va vraiment aller dans la violence. Alors, est-ce que il va travailler la psychologie de ses personnages? Je sais pas. Parce que là où je trouve ça assez malin, c'est qu'effectivement, il va ramener Myers à un statut humain. C'est-à-dire, il va marquer que c'est un humain, du moins au début. C'est-à-dire que, ben, il va marquer qu'il a des parents, il a une enfance, etc. Mais dès le début, j'ai vu pas mal d'avis dire que ça explique tout et que ça s'arrête à il a un papa pas gentil, des problèmes, la société, tout ça, il devient psychopathe. Sauf que moi je trouve que dès le début, il y a un vrai problème en fait. Dès le début, c'est déjà un enfant qui n'est pas juste un enfant normal. C'est-à-dire, on témoigne que dans les 15 premières minutes du film, il va battre à mort un autre enfant. C'est ça. Au-delà évidemment de tuer sa souris domestique Oui. et de tuer un chat errant pour ramener le corps dans un sac dans son casier de collège. Voilà, donc de base, c'est un enfant qui a des problèmes, et ensuite, donc lors de cette première partie, on va s'attarder sur lui en asile, et c'est là que, c'est vraiment les moments que je trouve les plus intéressants, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir sa relation avec Danny Trejo, qui est d'abord un espèce de garde, enfin, qui est un gardien, qui est un peu sympa avec lui, qui entre guillemets, pense avoir développé un lien avec lui pour finalement se faire tuer avec peut-être une des morts les plus sadiques du film. Pas la plus graphique, mais de loin une des plus sadiques. Tu connais l'anecdote sur Danny Trejo et la prison? Oui, il a vraiment fait de la tôle, je crois. Il a vraiment fait de la tôle, il s'est fait tatouer une tête d'une femme qu'il a vue en rêve sur son torse. Et quand il arrive, Danny Trejo. Non, et quand il arrive sur le tournage d'Une Nuit en Enfer, Des Ailes de l'Enfer. C'est celui où les autres lui ont demandé qui fait le plus de pompes et tout. Non, non. Ah, ok. Non, quand il arrive sur le tournage d'Une Nuit en Enfer, il va voir Salma Hayek et il lui dit. C'est toi que j'ai vu en rêve, je me suis fait tatouer ton visage. Et wow. Salma Hayek, c'est son premier film, je crois, ou c'est un de ses premiers. C'est un de ses premiers, ouais. Et il la connaissait pas. Wow. Et qu'est-ce que. Elle a réagi comment Elle est circonspecte. Je peux bien imaginer. Elle a raconté ça en interview dans un talk show il y a pas longtemps. Et c'est classique, Danny Trejo. Bah, l'anecdote que j'ai comme ça, différemment, c'est que sur le tournage des Ailes de l'Enfer, il a vraiment fait de la tôle. Enfin, il avait vraiment fait de la tôle par le passé. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait tous les acteurs qui disaient ouais, c'est lequel de nous qui va regarder, on fait un concours de pompe, lequel de nous survivrait en prison et tout ça. Et il a trouvé ça assez misérable. En même temps, si t'imagines que face à toi, il y a John Cusack, John Malkovich et Steve Buscemi et Nick Cage qui te disent lequel de survit en prison. Bon, je peux comprendre que tu ne saches pas trop quoi dire. Pour revenir sur le Halloween, là après, c'est pas non plus un film que je trouve parfait. C'est-à-dire que c'est un film que je trouve un peu long quand même, malgré tout. C'est-à-dire 2 heures, bon, faut les tenir. Enfin, 2 heures, on parle vraiment de la version Director's Cut, la version longue. Et c'est un film que je trouve. 1h50 pour sa version classique. Il y a malgré tout quelques trucs que je trouve un peu gratuits. C'est-à-dire, typiquement, la scène de viol en prison. Oui, ça c'est gratuit. Certes, elle est assez. Enfin, très éprouvante. Vraiment. Vraiment horrible. Mais est-ce qu'elle est si utile que ça? Je suis pas sûr. Ça a un côté faire du sale pour faire du sale. Maintenant, Rob Zombie, c'est quelqu'un qui va toujours travailler ça. Donc, je suis assez circonspect là-dessus. Et je trouve le dernier tiers vraiment dommage. C'est-à-dire que dans le dernier tiers, il se retrouve à faire vraiment un remake pur du film de Carpenter, allant même jusqu'à parfois faire du plan par plan. C'est-à-dire que le meurtre le plus connu du Halloween de Carpenter, le pin contre le mur, bah, il va le refaire littéralement au plan près. Ce que je trouve pas utile, parce que le problème, c'est que il y a le film de Carpenter qui est le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, intouchable, absolu, qui sera jamais égalé et qui a des images ultra marquantes. Forcément, si tu cherches à faire pareil, tu ne peux faire que moins bien. Bah, en témoigne cette scène où il va épiner le gars contre le mur, où effectivement, qu'est-ce qu'on garde? Bah, on se dit juste, c'est la scène de Carpenter. Maintenant, ça reste un film que je trouve vraiment, vraiment passionnant. Je pense sincèrement que le Michael Myers dans ce film-là, c'est mon Michael Myers préféré de toute la saga. Moi aussi. Il est ultra sale, c'est une espèce de rouleau compresseur humain qui est potentiellement des tueurs les plus brutaux de cette période-là. Je préfère peut-être celui d'Halloween Kills. En fait, mon problème avec les derniers Halloween, c'est que c'est une comparaison qui peut être intéressante à faire. C'est que dans les Halloween récents, David Gordon Green, que je trouve des séries B tout à fait sympathiques, c'est des films qui ont conscience de leur héritage, c'est-à-dire que le Michael Myers dedans, c'est pas le mal, c'est pas le mal décrit par Carpenter ou un rouleau compresseur absolu décrit par Zombie. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris le Michael Myers original et qu'ils l'ont remis dans le film de base et que tous les personnages ont conscience qu'il a des super pouvoirs, etc. Chose que je trouve un peu vaine. Même si je trouve certains de ces meurtres très rigolos dans Halloween Kills. Là où celui de Zombie, justement, il a ce côté neuf, ce côté je n'ai jamais vu ce Michael Myers avant-là. Enfin, avant. Ce côté innovant dans ce travail du tueur que je trouve assez unique, d'autant plus que ça va donner vraiment parmi les meurtres les plus brutaux de cette période. Et le 2 va faire encore pire avec la scène dans le club de striptease qui est... Alors justement, j'ai pas revu le 2 pour l'occasion. Bah, dans le 2, il y a une scène qui est assez marquante, on va dire, où il y a 3 personnes dans un club de striptease. Le premier se fait éclater la tête au pied, la tête sous le pied, il se fait éclater. Le patron se fait casser le bras avec l'os qui dépasse, et la malheureuse stripteaseuse prise entre les deux se fait atomiser la tête contre un miroir. Et c'est filmé gros grand angle, c'est plein cadre. C'est parmi les slashers les plus brutaux de cette période-là. Et donc, au final, on a quoi? On a un remake qui est audacieux, qui va tenter des choses, qui est intelligent, qui est personnel pour son réalisateur, et encore plus avec le deuxième, c'est-à-dire que le deuxième va encore plus pousser l'humanisation, entre guillemets, de Michael Myers, allant, dans sa version longue, jusqu'à lui retirer son masque à la fin et lui faire dire « meurs » à Loomis. Bon, naturellement, beaucoup de fans ont sorti les fourches. Mmh. Voilà, donc c'est un film très imparfait, mais c'est vraiment un film que j'adore, c'est un film que je trouve... unique en fait, c'est-à-dire que je vois pas d'autres slashers de cette période-là qui ont tenté quelque chose à ce point-là. Et dans. J'aime pas classer les choses, mais dans toute la saga Halloween, je suis pas loin de penser qu'en diptyque avec le deuxième, c'est. Et de très loin, les meilleures propositions qui ont été faites, derrière évidemment l'original, le modèle indépassable, parce que c'est tout simplement quelque chose... Si on enlève Halloween 3. Si on a... Bah ouais, mais Halloween 3, je le mets quand même en dessous de cela. J'adore vraiment ces deux-là. Là, Halloween 3, je le trouve très sympa, mais c'est, je trouve, moins... Je prends plus de plaisir devant les zombies, enfin plaisir, tout est relatif, devant les zombies en fait. Et ce que, dernier point sur le film qui pour moi vraiment marque tout, marque son importance, c'est que c'est vraiment un cas, ça arrive rarement dans l'industrie hollywoodienne, mais ça arrive de temps en temps, un cas unique où un réalisateur va vraiment carjacker le projet et en faire un projet personnel, en faire vraiment son film à lui, c'est un Halloween à la Rob Zombie. Comme ce que lui a demandé Carpenter. Et c'est ça que j'adore, c'est ça que je trouve remarquable, c'est que quand je vois le film, je me dis, ok, c'est Halloween, mais c'est avant tout un film de son auteur. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment, vraiment ouais. beaucoup. Donc voilà, j'adore ce film, et même si je pense préférer sa suite, que je trouve être plus folle, plus ambitieuse, plus audacieuse, plus imparfaite aussi, parce que la suite, pour le coup, est vraiment trop longue, et il y a peu tombé dans un côté un peu poseur. Mais moi c'est... Comme Lord of Salem. Ouais, mais c'est ce qu'on peut reprocher à Zombie, c'est le côté tu fais de la référence, tu fais de la pause. Mais moi je le reçois vraiment jamais comme ça, moi je trouve que c'est toujours des films passionnants, intéressants, évidemment référencés, mais toujours personnels. Moi c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment vraiment beaucoup. Ok. Okay. On a fini sur le Halloween du ouais, coup. On parle juste vite fait de où il est dispo. Alors, le seul de la saga à n'être jamais sorti en Blu-ray en France. Le seul des 8 films. Mais il existe en DVD. Il existe en DVD chez TF1 Vidéo. Mm-hmm. Il existe. En DVD en director's, avec la Director's Cut, je ne crois pas. C'est le 2 où il y a la Director's Cut. Le 2 est sorti en Blu-ray en France avec la Director's Cut. Ok, donc c'est celui-là où il n'y a pas la Director's Cut. Ouais. On a le Blu-ray américain édité par Genius avec la Director's Cut. Et le film est disponible sur Tubi aussi. Mm-hmm. Je ne sais pas dans quel cut par contre. Je crois que c'est le cut court. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Donc maintenant on passe à... On passe à Mirrors. Mirrors. Mirrors, aka Miroir de la peur au Brésil, Miroir sinistre en Amérique latine, à travers le miroir en Grèce, ou Reflet de la peur en Italie, ou encore Miroir démoniaque au Vietnam. Le titre italien est sympa. Le Reflet de la peur, ça c'est sympa. Ouais. Là, ça fait très giallo justement. Voilà, justement. Alors le film est sorti pour la première fois en Malaisie, le 14 août 2008. Puis aux USA le 15 août et en France le 10 septembre. Et il sort aussi le 10 octobre 2008 en Grande-Bretagne dans une version censurée afin de garder une limite d'âge de moins de 15 ans. La censure implique notamment des plans de sang, des plans de femmes qui s'arrachent la mâchoire, quelques plans d'une femme partiellement dénudée et brûlée, et quelques gros plans sur un homme qui se tranche lui-même le cou. La scène d'intro, encore. Mm-hmm. Voilà. Mais lorsque le film sort en DVD en Grande-Bretagne, il sort en version intégrale avec une mention moins de 18 ans. Ce qui est très fréquent en Grande-Bretagne, quasiment tous les films d'horreur qui sortent ont une mention de moins de 18 ans là-bas. Donc, réalisé par Alexandre Aja. Alexandre Aja, c'est un gros bestiau. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle. C'est la première fois qu'on en parle, ouais. Alors, donc, Alexandre Aja, français, fils de Alexandre Arcadie. Alexandre Aja qui commence sa carrière de réalisateur avec Furia. Ouais, avec Cotillard, je crois, qui est dedans. Je crois, oui. Ouais, et avec la musique, c'est... Alors, si je dis pas... Alors, je peux totalement me tromper, mais il me semble que la musique est faite par Brian May. Pas le guitariste de Queen, le compositeur de BO. Et la musique est nulle d'ailleurs, de Furia. Il est okay. Pourri la musique. Il enchaîne avec Haute Tension qui ne passe pas l'épreuve du temps. Oui, mais moi j'aime bien, mais parce qu'il a un côté sale en fait. J'aime bien, mais tu l'as revu récemment ? Je l'ai vu deux fois. Alors je l'ai pas revu récemment, la dernière fois que j'ai vu c'était il y a un ou deux ans. Et moi, okay, je bon, ça reste récent. Ouais, je l'aime toujours bien ça. Oui, il a un côté vieux avec la photo cramée et tout ça. Mais vraiment, je l'aime. La musique qui arrive au générique de fin là. Oui, bon, ouais, ça, bon, oui. C'est les années 2000. Oui, voilà, il fallait y être. Hein. Donc, Haute Tension. Alors, c'est ses deux seuls films français. Enfin, ses deux seuls films en langue française. Mais sinon, le gars n'a jamais tourné en France avant de faire Oxygène. Ouais, c'est Oxygène avec Mélanie Laurent. Ça avait été en France. Ouais. Sur Netflix. Parce que Furia est tourné au Maroc et Haute Tension est tourné en Roumanie. Mm. Voilà. Donc après ça, il arrive aux États-Unis avec La Colline à des yeux, le remake du film de Wes Craven. Son meilleur film. Donc je trouve que c'est. Bah, j'avais hésité à le prendre pour cet épisode. C'est un remake que je trouve passionnant, super fun et vraiment largement meilleur que l'original. Il fait ensuite du coup Mirrors, et pour le coup je préfère La Cueille des yeux de Aja à celui de Craven aussi. Il fait du coup Mirrors, mais on parlera de Craven un peu plus tard, mm-hmm. dans le film d'après. Il fait Mirrors, donc ça on aura l'occasion d'en parler dans quelques secondes. Après ça c'est Pierre Hadda 3D, qui est peut-être mon préféré de lui. Ouais, qui est un film complètement bâtard, en fait. Il y avait eu des problèmes sur la gestion des effets spéciaux. Enfin, c'est un film mutant, Piranha 3D. Qui est très fun, hein, au demeurant, ouais, ouais. Mais qui est complètement mutant. Je me demande même s'il n'avait pas voulu faire retirer son nom du générique. Oh, quand même pas. Si, je suis à peu près sûr, parce que en fait, il y avait une boîte d'effets spéciaux qui devait faire les effets spéciaux de Piranha. Et parce que les effets visuels de Piranha 3D, c'est... C'est le gros problème du film. Et en fait, ça devait être fait par une boîte. Et il me semble qu'elle a coulé genre très peu de temps avant de pouvoir les faire. Et du coup, les effets spéciaux ont été faits à l'arrache, vraiment sur une très courte période de temps avant la sortie du film. Ce qui explique un rendu parfois immonde, en fait. Tout voilà. Après ça, il fait... le film qui fait après ça, c'est Horns. Je crois. Avec Daniel Radcliffe. Que pour le coup, j'aime bien. Qui est plutôt correct, qui est une adaptation de Joe Hill, si je dis pas de bêtises. Ah, il y a des chances, ouais. Qui est assez rigolo, qui est trop long, qui est vraiment trop long, mais qui est plutôt rigolo. Qui est plutôt sympa. Après Horns, il fait La 9ème ville Louis Drax, que j'ai pas vu pour le coup. J'adore ce film. Enfin, je l'ai commencé, je l'ai pas fini. C'est un très très beau film, La 9ème ville Louis Drax. Ouais. Après ça, il fait Crawl. Que j'adore, que j'ai vu en salle et j'ai très très peur devant Crawl. Et vraiment, c'est super, un film de crocodile qui est vraiment, vraiment très très chouette. Et du coup, son dernier en date, Oxygène. J'ai très bien dormi devant. je l'ai pas vu. J'aime pas ce film. Enfin, je me suis vraiment endormi devant. J'ai complètement décroché. Donc, synopsis, c'est que la famille Carson se retrouve être la proie d'esprits maléfiques qui prennent possession des miroirs et s'en servent comme porte d'entrée pour affecter le monde réel. Alors, on doit ce scénario à Alexandre Aja. Donc, voilà. Donc le scénario diffère grandement du film original qui était écrit par Song Ho-kim, donc pour le film Into the Mirror, film coréen. Ouais. Puisque ce film-là était vraiment une enquête policière, mais vraiment beaucoup. Là où le film d'Aja est plus centré sur les personnages, notamment sur la famille, qui est un thème qui revient très souvent chez Aja. Et écrit par Grégory Levasseur. Qui est son compère qui bosse sur tous ses films et c'est qui ça. Est un très mauvais réalisateur. C'est ça, vous ne voyez pas Pyramide. Il faut qu'il écrive, mais il ne faut pas qu'il réalise. C'est ça. Alors, Levasseur, c'est le collaborateur d'Aja depuis les années 90, depuis leur court-métrage qu'ils ont co-réalisé ensemble, qui s'appelle Over the Rainbow. Alors, si vous voulez voir Jean-Benguigui en tueur en série, allez-y. Parce que c'est sur YouTube, hein. Je pensais jamais dire Jean-Benny Guillon sur en série. Magnifique. Donc voilà, ce court-métrage qui date de 97. Et après, donc, son expérience de réalisation se limite à ça, et aussi à être réel de seconde équipe sur les films d'Aja père et fils, aussi, parce qu'il a été sur un film d'Alexandre Arcadi, du coup. Et sur Deuxième sous-sol de Frank Calfoun. On reparlera de Frank Calfoun. Oui, dans deux films. Voilà. Donc il est aussi producteur, il coproduit tous les films de Aja depuis Mirrors, à l'exception de Horns et de La Neuve Ville ou Drax. Et à part ça, aussi le basseur a dû réaliser quelques scènes du film. Bah, c'est dans le making of de Maniac, j'en parlerai rapidement, mais tu vois que il est toujours très présent sur les tournages, ouais. Et qu'il est toujours très actif. Bah, il a été obligé de réaliser quelques scènes, la scène notamment où Kiefer Sutherland voit son reflet prendre feu, parce que Alexandre Aja a dû retourner en France. Pour la naissance de son fils. Et bah écoute. Voilà. Bah, ou en France, aux États-Unis, je ne sais plus, mais en tout cas, il a dû s'absenter pour la naissance de son fils. Au casting, bah, comme je l'ai dit, Kiefer Sutherland, voilà, qui est en un mot commençant Jack Bauer. Voilà, 24 heures chrono. Voilà. Sinon, Melancholia, Dark City, Stand By Me. Jack Bauer. Voilà, Jack Bauer. Paula Patton, qu'on a vu dans Mission Impossible 4, dans Itch, et elle a d'ailleurs été engagée par Aja et Levasseur, car elle avait été considérée comme, dans son premier temps, comme le premier choix pour être le rôle principal de Deuxième sous-sol. Ah, ça explique. Voilà. On a Cameron Boyce, cet acteur de Disney Channel. Oh mon dieu. Qui s'est suicidé à l'âge de 19 ans, enfin qui est mort à l'âge de 19 ans. En 2019, à l'âge de 20 ans. Qui est typiquement un acteur Disney Channel, hein, qui a joué dans Jesse, dans la saga Descendant. Bref. Je serais très curieux de voir Descendant quand même, c'est horrible. C'est irregardable, c'est affreux, vraiment, c'est. Réalisé par le réalisateur d'High School Musical, c'est ignoble. Vraiment, Descendant, c'est super dur. Quoi. Et on a Amy Smart, qui est jouée dans Scrubs, dans Les Deux Hypertension et dans L'Effet Papillon. Incroyable film. Oui. J'adore ce film. J'aime beaucoup aussi. À la photo, Maxime Alexandre, qui a été sur énormément de projets d'Aja, hein, Haute Tension, La Colline des Yeux, 9ème Ville Drax, Crawl, Oxygène, et sur sa production, Deuxième Sous-Sol et Maniac. Et en plus, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est aussi le chef-op de Shazam. Oui, c'est le chef-op de Shazam. De The Crazies, le remake du film de Romero, de The Voices, de La Nonne, Annabelle 2, le dernier Resident Evil. Ouais, donc il peut faire de... Il peut faire de tout et de rien, quoi. Voilà, Catacombe aussi, où il a bossé également pour Wes Craven, sur le segment Père Lachaise du film Paris, putain, je t'aime. Oh, quel enfer, ce truc. Je l'ai pas vu encore. Oh, quel enfer. Bah, Sam, t'as un réel d'horreur qui filme un cimetière et qui met à peu près autant d'intensité que s'il filmait un trottoir, quoi. C'est chiantissime, quoi. C'est horrible. Et alors, au maquillage, là, c'est le... Alors, juste, à la musique, on a Javier Navarrete. On vous renvoie à l'épisode sur Prison de Cristal. Ouais. Voilà, et sinon, bah, les Chines du Diable, Labyrinthe de Pan, Cœur d'encre, Byzantium. Voilà. Et sinon, au maquillage, Greg Nicotero. De KNB. KNB Cash, je sais plus ce que c'est, Nicotero et Bellic. C'est ouais, une boîte d'effets spéciaux. Ok. Bah, du coup, Greg Nicotero, bah, immense nom, encore une fois. Toute la série Walking Dead, c'est lui. Alita, Green Inferno, Piranha 3D, Culinette des Yeux. Là, dans la maison sur la gauche. The Ward, bref. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit dans le film en train de jouer au billard. Qu'est-ce que j'en pense du film ? Donc, il s'éloigne grandement de l'intrigue policière du film coréen original pour nous offrir un spectacle plus proche du style habituel d'Aja, c'est-à-dire plus violent et encore une fois bah, tournant sur la famille, comme je l'avais dit. Ce qui est toujours un plus pour s'attacher au personnage et pour créer de l'attention. Et la mise en scène est quand même vachement efficace pour ça, pour l'attention. Hein. La scène d'intro reste dans les mémoires et la scène du bain de Amy Smart aussi. Mm-hmm. Pour autre chose que Amy Smart. Bon, on peut le dire, son reflet s'ouvre la gueule de force et du coup le personnage se retrouve avec la gueule arrachée. La gueule arrachée dans la baignoire, ce qui fait que du coup toute l'eau devient rouge, bref. Très très très beau, très très beau. C'est bah, justement la mise en scène qui est très efficace pour bien et qui profite bien de son concept pour faire au reflet les pires atrocités, bah, comme t'as dit, l'arrachage de mâchoire, le découpage de gorge dans la scène d'intro. On est sur du lourd. Même si j'aurais préféré qu'Aja aille un peu plus loin dans le Gorefest quand même, parce que... et mettre un peu plus enquête de côté, mais ça c'est mon côté vicelard et pas trop friand des enquêtes qui parlent. Mais voilà, il avait un concept en or et il l'utilise bien, mais ça aurait pu être plus, je trouve. Même si du coup ça sert aussi, l'enquête sert à dénoncer aussi quelque chose, notamment les mauvais traitements dans les hôpitaux psychiatriques. Ce qui était déjà le cas dans Halloween de Rob Zombie, hein, du coup. Ouais. Qui fait entendre Land porte littéralement le film. Ça, on va pas se le cacher. Au point que tout le reste du cast semble limite accessoire comparé à lui, parce que c'est clairement lui qui est dans toutes les scènes. Certains effets visuels sont bon, un peu cracra, on va pas se mentir. Mais les effets pratiques sont magnifiques et juteux à souhait pour le peu de fois où on les voit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes gore. Bon, il y en a deux, en fait. Ouais, c'est ça. L'intro et le bain. C'est ça. Mais on sent vraiment le côté Aja. Et je dirais que, bah, comme pour La Colline des Yeux, Aja appose sa patte sur un film original. Pas franchement fou. Je suis vraiment pas le plus grand fan de Into the Mirror et de La Colline des Yeux de Craven. Voilà. Pas franchement fou pour le rendre bah, plus gore, plus violent, plus tendu aussi. Et je trouve que dans les deux remakes qu'il a fait, parce que je compte pas Pierre Latronée comme un remake, lui-même ne le compte pas comme un remake, c'est vraiment... C'est pas un remake du Piranha Dante, c'est un autre film sur des piranhas. C'est une variation sur le même thème. C'est ça, mais c'est pas... Lui-même, du coup, c'est débarqué comme un remake. Mm-hmm. Et dans les deux remakes qu'il fait, Aja, je trouve, surpasse les originaux. Justement, dans les mêmes points, c'est-à-dire bah, le gore, la tension, les personnages. Bref, je te laisse la main. Moi, j'aime pas le film. Non, je vais passer pour un gros rabat-joie. J'aime pas l'original de base. En fait, je trouve le concept de base incroyable. Je trouve l'idée de jouer sur les miroirs. En fait, je trouve que le miroir est un motif cinématographique assez incroyable pour ça. Bah, enfin, y a plusieurs scènes qui en évoquent. Moi, une scène que j'adore dans ce domaine-là, c'est dans Volteface, qui est la scène où Nicolas Cage et John Travolta sont de chacun d'un côté d'un miroir, mais ils ont le reflet de l'autre. Enfin, bref, je trouve que c'est un motif cinématographique que je trouve assez excitant. Mais j'aime pas les deux films. Alors pourquoi j'aime pas Into the Mirror? Parce que je le trouve très chiant. C'est chiant. Bah en fait, c'est je trouve assez bien réalisé, c'est assez malin, il y a plein de plans un peu rigolos et il y a plein de scènes vraiment vraiment sympas. Je pense à l'intro, toute la fin, etc. Il y a vraiment des trucs pas mal. Mais effectivement, c'est chiant, l'enquête est pas super intéressant, les personnages jouent pas très bien, c'est assez oubliable. Et pourquoi j'aime pas Mirrors? Alors, il y a un truc que t'avais évoqué, c'est que je trouve le film très moche, déjà, c'est super gris, super terne. Rob Zombie, sur le Halloween, il avait un côté sale, crade, mais ça se justifiait par l'ambition du film. Là, c'est juste... je trouve ça terne. Et à part la scène de la mâchoire, j'en retiens absolument rien. Je garde éventuellement le twist de fin, mais que je trouve un peu pourri en fait. Parce que qui est le même que dans l'original en plus. Ouais, mais pour le coup, je vois pas pourquoi est-ce qu'il a gardé ça, parce que il dit lui-même c'est pas un remake, mais alors il garde littéralement le même twist. Mmh. Après ça, je trouve les personnages n'existent pas. C'est-à-dire, on a parlé de Kiefer Sutherland, oui, mais même son personnage en fait, pour moi, c'est énième ex-flic, ex-médecin, ex-ce que tu veux torturer. Et ça, je trouve, ça amène pas grand chose. Il y a plein d'idées qui pourraient être pas mal. C'est-à-dire que je pense à la scène où il y a de l'eau sur le sol. Ouais. Qui pourrait être pas mal. On se dit, ça amène un truc. Sauf que, du coup, ça veut dire que les esprits peuvent se refléter dans les. Enfin, peuvent apparaître dans les reflets et pas que dans les miroirs. Mais alors, du coup, il y a plein de scènes dans le film qui n'ont pas forcément de sens. Donc, en fait, c'est ça mon problème. C'est que c'est un film que je trouve assez inconsistant. Qui a quelques trucs qui auraient pu être marrants. Tu vois, si ça avait été un espèce de slasher un peu débile où les reflets s'arrachent des trucs et ça fait dans la vraie vie, je dis pas, ça aurait pu être un peu rigolo. Là, le problème, c'est que j'ai vraiment un film où y a une enquête pas passionnante, avec quelques effets pas bien rigolos non plus, et surtout, le film, il dure quasiment 2 heures quand même, il dure un peu plus autour d'une heure 50, je crois. Et du coup, c'est un film qui est complètement bâtard pour moi, qui ne tient pas, mais après, là où je peux pas lui en vouloir, c'est qu'en fait, il est dans une espèce de trilogie, une trilogie informelle, c'est-à-dire les trilogies de films asiatiques refaits par des Français. Donc là-dessus, on a One Missed Call, qui est basé sur le film de Takashi Miike, qui est refait par Eric Vallette, qui est ce qu'il est, on va dire. On a pas encore vu, par contre, le film de Miike, qui est cool. Pas terrible. L'affiche est très belle, mais il est pas terrible. Ouais. On a The Eye, qui est fait par David Moreau et Xavier Palud. Voilà, les deux qui ont fait Hill. Alors The Eye, l'original, moi je l'aime bien, il vieillit super mal, le film des frères Pang, mais moi j'aime bien le remake, non. Et j'aime bien le 2 d'ailleurs, j'ai pas vu le 3, mais le 2 aussi de The Eye. J'ai pas vu le 2 pour le coup, j'ai vu The Eye et The Child's Eye, je crois, le préquel, qui est affreux, mais l'original est tout éminemment sympathique. Le 3, tu parles par les frères Pang toujours Ouais, mais en fait, je crois que t'as un préquel, et je crois que c'est le préquel que j'ai vu, ou alors le Child's Eye. C'est pas le film où il faut regarder entre ses jambes pour voir des fantômes J'ai vu Child's Eye. Je sais pas si c'est le troisième ou le préquel. Et donc, là on a Mirrors, et Mirrors, qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens une scène gore, alors très cool, hein, la scène gore où elle s'arrache la mâchoire, je dis pas, elle est super. Et en plus, elle est bien réalisée, elle est super bien montée, c'est vraiment chouette. Mais tout le reste, j'avoue, j'en ai vraiment rien à foutre. Et c'est... Je pense que pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il y a plein de portes ouvertes qui auraient pu être super sympas, mais qui manquent vraiment d'une vraie consistance pour donner quelque chose d'assez sérieux. En fait... C'est un peu le même problème que Power Pyramid, c'est-à-dire que Pyramid, sur le papier, et aussi je raconte des scènes, c'est mortel. Dans les faits, c'est vraiment à peine blairable, parce qu'il n'y a pas de lien concret, il n'y a pas de lien vraiment efficace. Par exemple, donc j'ai parlé de la scène de l'eau, mais même toute l'idée qu'il y ait une ancienne nonne qui ait été purgée du diable, entre guillemets, ça tue, dans les faits, ça pourrait être bien, un truc de non-exploitation et tout ça. Dans les faits, le problème, c'est qu'on en a rien à faire parce qu'on ne la connaît pas, ce personnage. On apprend juste que oui, elle était possédée à un moment. Et pour moi, ça, le film manque vraiment d'une vraie consistance pour lier le tout et pour faire quelque chose d'un peu marquant. Mais, il est toujours mieux que la suite, qui est plus gore pour le coup, qui a 2-3 scènes vraiment gore, mais qui. Alors, déjà, le rôle principal est joué par le John Connor de Terminator 3. Et s'il n'a pas eu de carrière après, c'est pas pour rien. C'est super mal réalisé, c'est mal fait, c'est encore plus moche que l'original. Et c'est réalisé par quelqu'un à qui on devrait interdire les caméras, à savoir Victor Garcia. Alors Victor Garcia, on lui doit... alors récemment, il a fait un truc qui s'appelle La Niña de la Communion, qui est à relativement bonne presse. Mais on lui doit quand même Hellraiser 9, on lui doit Retour sur la Maison de l'Horreur, la suite du film de William Malone. Donc c'est quand même quelqu'un dont la carrière est assez compliquée. Mais voilà, donc moi, Mirror, c'est pas non plus une haine viscérale, mais c'est vraiment un film où je le regarde et je l'oublie à peu près dans les 5 minutes qui suivent, à nouveau à l'exception de la scène gore qui est très chouette. Voilà, donc moi, Mirror, c'est pas le pire Aja, parce que Furia se pose là. J'ai pas encore vu Furia. J'ai vu ni Furia, ni Oxygène, et j'ai pas vu en entier la 9ème ville de Gorax. J'aime pas Oxygène, j'aime pas Furia, mais vraiment, j'aime pas Mirror, parce que je... Surtout, ce qui me frustre, c'est l'idée du miroir est tellement forte, ouais, ouais. Ça a rarement été fait, il y a peu de films d'horreur qui l'utilisent, c'est tellement fort, le concept est tellement génial, et je vois qu'il en fait ça, je dis oui, bon, ça aurait fait un moyen métrage super cool, mais là, sur 1h51, c'est pas possible, ouais. C'est vraiment pas possible. Donc où est-ce qu'il est disponible ? Alors, il est disponible en Blu-ray en France chez Fox Pathé Europa et sur le Netflix français. Et d'ailleurs, là, c'est un film aussi où je trouve toutes les affiches super moches. Ah ouais ? C'est l'affiche américaine, là, toute noire avec le visage. Bon, voilà. Et l'affiche française où c'est juste Kiefer Sutherland avec des failles sur le visage. Oui, bon. Non, en plus, j'aime pas les affiches du film. Ouais. Et alors, juste une petite anecdote que j'ai pas pu caser autre part. Donc, la femme qui était une espèce de réceptacle à démons dans l'hôpital psychiatrique s'appelait Anna Essecker. Pourquoi ? Alors, Essecker, parce que les Seekers sont le nom des démons des miroirs, en fait. Mm-hmm. Littéralement, les observateurs, quoi. Et Anna, parce que c'est un palindrome. Ouh, voilà. Subtil. Subtilité. Tac, on a terminé ? On a terminé, et c'est à toi. Alors, avant tout, on a oublié de le faire au film d'avant, donc on peut le faire maintenant. Petite interlude, nouveauté de l'horreur, etc. On avait déjà essayé ça dans un épisode avant les vacances. On s'est dit qu'on allait le refaire cette année, un truc, une de news. On va à peu près 3 news par épisode, tous les deux films. Et donc là, on en a 3 pour l'épisode. La première, ça, donc, première du coup, ce qui date maintenant d'il y a quelques semaines, c'est qu'on a eu des nouvelles affiches et l'abondance de Saw 10. Alors, Saw 10, donc c'est le... Non pas, j'allais dire le 10e, mais non, c'est le 11e. Non, c'est bien le 10e. Parce que en comptant Spiral ? Ouais, parce qu'il y avait eu, Saw 3D, donc il y était le 7. Jigsaw qui était le 8, Spiral qui était le 9, et du coup celui-là qui sera le 10. D'accord, alors c'est réalisé par Kevin Grotert. Alors Kevin Grotert, c'est celui... Alors il a d'abord été monteur sur les 4 ou 5 premiers, il me semble. Il est passé à la mise en scène sur le 6, il a fait le 6 et le 7. Entre-temps, il a aussi réalisé un truc que j'ai pas vu, mais qui a une assez mauvaise réputation, qui s'appelle Jezabel. Que j'ai vu, je crois, il y a longtemps. C'est bien. C'est bof. Enfin, c'est vraiment cette vague de films paranormaux... Parce qu'on parle de vagues de films, mais Mirrors, lui, pareil, il sort dans une vague de... Au-delà des remakes de films asiatiques créés par des Français, c'est cette vague même de films d'horreur asiatique initiée par le Ring de Verbinski, qui a suivi avec le The Grudge de Shimizu, mais avec un cast américain. Appartement 1303... C'est cette mode de réadapter tous les trucs asiatiques aux États-Unis. Et donc voilà, donc Kevin Grotert va réaliser Saw 10. Alors, pour l'instant, c'est pas grand-chose. On sait que ça se passera entre le 1 et le 2. Et que ça suivra un autre truc de John Kramer au Mexique, il me semble. Et du coup, il y a tout le casting qui revient. Il y a Tobin Bell, il y a Shawnee Smith, et voilà. Toi, Saw 10, une attente, peut-être ? Que dalle. J'en attends que dalle. Là, Saw 9, il m'a... Donc Saw 9 qui était donc Spiral. Spiral, c'est ça. Je déteste pas la saga Saw de base. Hein. J'adore le film de James Wan, évidemment. Que je trouve absolument brillant. Mais à part ça, la saga Saw... Bah ouais, c'est de la tripaille sympa. Mais ça s'arrête là. Sauf que bah, si c'est pour partir dans une espèce d'enquête policière à la con comme... Comme ce qu'il y a... Enfin, autant l'enquête du 1 était bien foutue, autant j'en ai rien à foutre des enquêtes depuis Saw 4. Très clairement, et Saw 9, enfin Spiral, était centré sur ça, et non, juste non. Et avec un truc, avec un twist cramé autour de Alessandro Nivola, genre peut-être que je suis le tueur. Voilà. Donc je sais pas si Saw 10 va aller sur cette vague, c'est pour ça que j'avais pas testé Jigsaw. Jigsaw, c'est vraiment quasiment que de la tripaille, que des pièges à la con, et moi, bah, je suis un homme avec des goûts simples, c'est-à-dire que voilà. J'aime les bières, j'aime les potes et j'aime la tripaille. Voilà. Pour le coup, moi, Saw, je suis un peu plus radical que toi. C'est-à-dire que le 1, je l'ai aimé la première fois que je l'ai vu. Je trouve qu'il a... Aujourd'hui, je le trouve à peu près insupportable. C'est-à-dire que... en fait, je trouve que le 1 a un concept très fort et je comprends totalement qu'il ait marché à un moment. Et ça reste un relatif bon film. C'est-à-dire c'est pas... Je le déteste pas non plus intégralement, mais... Je trouve qu'il y a plein de trucs qui ont horriblement vieilli, que ce soit les effets de caméra ultra accélérés autour des personnages là. On est en 2004. La photo que je trouve mais immonde. Et là, ça a toujours. Alors ça c'est une constante dans la saga Saw. Le 2 particulièrement, la photo jaune là, immonde. Et voilà, j'aime pas trop le 1. Et je les avais tous revus pour la sortie de Spiral. Et ouais, c'est-à-dire que le 1 non, le 2 non, 3 non. En fait, c'est vraiment des films où allez, c'est l'archétype du film qui doit être vu en compilation d'images sur YouTube. C'est vraiment, vous tapez Saw, All Traps sur YouTube, vous avez des vidéos de compilation, mais moi, c'est vraiment la seule chose que je garde du film. C'est-à-dire que, à part ça, j'ai quoi ? J'ai des acteurs qui jouent mal, Costas Mandylor en tête de file, quand même, c'est vraiment un Lui, c'est vraiment le Spartacus des acteurs qui jouent mal. Oh, Chris Rock, il se défend aussi, hein, là-dedans. Chris Rock, il se défend. Mais en fait, Chris Rock, je pense que c'est juste son registre qui est pas bien choisi. Là où Kostas Mandylor, c'est un excellent mauvais acteur. Vraiment, il est très précis dans le rôle. C'est une photo dégueulasse, c'est une musique où j'en peux plus. En fait, c'est une musique qui me gueule dessus. C'est vraiment, j'en peux plus à la fin. Non, moi, j'avoue, c'est une saga que j'aime pas tant que ça. Et en fait, surtout, moi, la question que je me pose, c'est une saga qui, dès le troisième épisode, ne fait aucun sens. C'est-à-dire que l'intro du 3, c'est quoi? C'est Jigsaw qui meurt. Non, c'est la fin du 3. C'est la fin du 3, pardon. Et c'est donc Jigsaw meurt à la fin du 3. Et donc, à partir du 4, on a une saga qui ne tient pas la route, parce que ça veut dire que Jigsaw a tout anticipé depuis X... Voilà, on critique la timeline d'Halloween, la timeline de Saw, on a vraiment un tueur qui est très, très, trop malin, quand même. Et là, je me dis, c'est un total aveu d'échec, parce qu'ils en viennent à littéralement faire un flashback, ou un film, un espèce de préquel du 2, etc. Donc, c'est vraiment juste dire, on ne savait pas quoi faire. La saga ne peut pas survivre si on ramène pas Jigsaw, parce qu'il me semble pas que Spiral ait été un si gros succès que ça. Enfin, je pense que ça a été un succès, mais en comparaison des autres, c'est ça la question que je me pose. Alors, peut-être un succès relatif vu le Covid aussi, parce que il y avait aussi ça, oui. Et donc, c'est genre, je ne comprends pas l'intérêt de réactiver encore ça. Après, ça s'inscrit dans une mouvance logique de le renouveau du gore au cinéma, le fait qu'on ait beaucoup de films gore qui reviennent, et on pense à The Sadness, Terrifier 2, Sisu, etc. Oui. Mais je me demande vraiment l'intérêt de ressusciter cette saga-là. Parce que, moi, une autre saga que j'avais vue, il y avait The Collector et The Collection qui étaient sortis, qui étaient faits par Marcus Dunstan et un autre qui bossait sur Saw 3 et 4, je crois, et qui était plutôt rigolo, qui est littéralement Maman, j'ai raté l'avion, version psychopathe. Putain, c'est vrai. C'est plutôt rigolo, mais... remarque Saw aussi, hein. Ouais, mais là, il y a le côté maison, je protège ma maison. Ouais. Là où Saw, c'est... Saw, un autre truc que je déteste dans cette saga, je viens de penser, le côté réac. C'est-à-dire que dans Saw 6, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui se fait tuer parce qu'il a fumé. C'est ça, il y a quelqu'un qui est puni, qui est pris par Jigsaw en martyr parce qu'il a fumé. C'est ouais. T'as fumé, c'est pas bien. Mais putain, vraiment, c'est une saga qui m'énerve. Enfin, qui m'énerve, non, mais... qui m'énerve un petit peu quand même. Et pour le coup, on avait donc The Collector et The Collection, qui étaient tout à fait sympathiques. Alors, j'ai pas vu Collection, mais Collector, il est sympa. Ok, Collection, je crois que l'intro est incroyable. C'est The Collection, l'intro avec une moissonneuse batteuse et une boîte de nuit. C'est incroyable. vraiment, c'est vachement bien. C'est la différence entre une moissonneuse batteuse et un hélico. La moissonneuse batteuse, elle bat le blé, l'hélico, il bat l'avoine. Voilà, merci. Je la connais. Et donc, on a ça, et on a une petite saga comme ça qui est un peu sympa, mais qui a jamais eu de troisième opus. On a eu The Collected, enfin, il y a des rumeurs, on sait un pas projet trop. The Collected, qui est tour d'actu, je crois. Bah, on sait pas trop, mais. Et on a Saw à côté, vraiment, je comprends pas l'intérêt. Et en témoigne Jigsaw, je trouvais le twist de fin limite malhonnête. Et Spiral, où, qu'est-ce qu'on en a à faire? Bah, pas grand-chose, quoi. Donc, bref, c'est tout pour Saw 10, et on passe donc à mon film. Peut-être une autre actu, vu qu'on l'a pas faite. On le fera après le film d'après. Okay. Alors, donc, La Dernière Maison sur la Gauche. Alors, La Dernière Maison sur la Gauche, c'est. Évidemment, entre guillemets, c'est le remake du film de Wes Craven sorti en 1972. Alors, l'original, c'était quoi? C'était un pur shocker pour l'époque. C'était une espèce de variation autour du thème du Rape and Revenge. Alors juste, je te coupe, on a donc un The Collector 3 en projet, réalisé par Marcus Dunstan, écrit par Marcus Dunstan, avec entre autres Tom Atkins. Faut espérer, entre guillemets, hein, si on est fan, mais ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de nouvelles en fait, c'est pour ça que j'ai mis un doute. Bah écoute, là, il a pas de date de sortie annoncée, mais en tout cas, il est en développement. Ok. Et donc, pour revenir sur La Dernière Maison sur la Gauche, donc le film sort en 2009, c'est le remake de Wes Craven réalisé par Denis Iliadis, je vais revenir sur lui juste après. Donc le remake de l'original de Craven est là pour lui d'être un film assez cheap, tout le monde ne joue pas forcément très bien, mais il a une méchanceté, un nihilisme et une cruauté qui est vraiment assez marquant. C'est un film que moi j'aime plutôt bien, tout est relatif, c'est assez dur à aimer, mais pour lequel j'ai malgré tout une certaine affection. Parce qu'il a un côté extrêmement raide, extrêmement âpre, qui je trouve fonctionne vraiment bien. Et donc en fait, Craven a initié lui-même une vague de remake de ses propres films dans les années 2000, donc ça a pu donner La Colline à des yeux, pour le mieux, et pour le pire, ça a pu donner Le Freddy, qui est vraiment, vraiment pire que tout. Et il y a eu pendant un temps des rumeurs d'un remake de Shocker, ça s'est pas fait, et il y avait des rumeurs, je crois... Est-ce qu'on veut vraiment un remake de Shocker ? Non. Est-ce que c'est acté ? Je ne sais plus, mais il me semble que Jordan Peele est impliqué dans le remake de People Under the Stairs. Donc à voir. Ce serait super. Bah pourquoi pas maintenant, à voir ce qu'il en ferait. Peele qui fait le soldat de la peur, ce serait super. Pour le coup, moi je suis pas le plus gros fan de son cinéma, mais ça pourrait être sympathique, on va dire. Et donc, en 2009, il va donc lancer le remake de La Dernière Maison sur la Gauche. Alors, pour le réaliser, il va choisir Denis Eliadis. Denis Eliadis, c'est quelqu'un dont on a un peu perdu de vue, à part ça, il a réalisé Plus One, qui est un film de boucle temporelle que je trouve génial, que vraiment, moi, j'adore, qui est pas parfait du tout, mais que vraiment, j'adore. Il a réalisé Delirium, qui est une bloomerie inédite chez nous, mais qui a très bonne presse. Et avant ça, il avait réalisé Hardcore. Alors, Hardcore, c'est un film qu'il a fait dans son pays natal, la Grèce, et qui comportait déjà une scène de viol bien, bien énervée. Et j'imagine que c'est sur ça qu'il a... Même si, bon, ça fait quand même un peu sale sur le CV, mais j'imagine que c'est sur ça qu'il a été recruté. Alors, La Dernière Maison sur la Gauche, c'est quoi l'histoire ? C'est deux jeunes filles qui vont, dans l'original, vont en ville voir un concert de Bloodlust, le nom du groupe, cherchent quelqu'un pour fumer de l'herbe, se retrouvent aux prises avec une bande de jeunes qui... n'ont pas forcément de bonnes intentions, qui vont les kidnapper, les séquestrer, les violer, les tuer, et ensuite se réfugier chez les parents de l'une des jeunes filles, et se faire tuer par les parents. À l'original, s'inscrivait dans un contexte vraiment très marqué, c'est-à-dire c'était la fin du Flower Power, c'était l'ère post-Vietnam, et donc là, dans le remake, Denis Eliadis va avoir l'intelligence de proposer autre chose. Je vais détailler ça. Donc pour ce qui est de l'écriture de ce remake, c'est écrit par Carl Ellsworth, qui avait bossé sur Red Eye de Wes Craven, et Adam Aleka, qui a bossé sur Delirium, après avec Denis Eliadis, qui à part ça n'a pas fait grand-chose. Et à la photo, on a Sharon Mayer. Alors, Sharon Mayer, c'est quelqu'un qui peut faire Whiplash ou La Dernière Maison sur la Gauche, donc bien, ou qui peut faire Rings, le dernier de 2017, ah. Ou Pay the Ghost avec Nicolas Cage. À nouveau, il faut bien manger. À la musique, on a John Murphy, ce qui peut être bizarre, enfin, ce qui peut être étrange, on n'a pas l'habitude de retrouver John Murphy sur ce genre de projet, donc c'est Sunshine, 28 jours plus tard, mais il est là, il fait d'ailleurs un score qui est vraiment, je trouve, assez génial. Et au casting, on a Sarah Paxton, qu'on avait vu dans Innkeepers de T-West, Tony Goldwyn, qui a joué dans Le Dernier Samouraï, Belko Experiment, ou plus récemment Oppenheimer, Garrett Dillahunt, qui reprend le rôle du gros méchant, entre guillemets, qui était joué par David Hess dans l'original, qu'on a vu dans Ambulance de... Michael Bay. Et on a enfin aussi et surtout Aaron Paul qu'on avait vu dans Breaking Bad. Alors, détail très important, le Breaking film. Breaking Bad avait commencé à cette époque-là ? 2009, ça m'étonnerait pas que ça ait déjà démarré, oui. Bah, c'est Breaking Bad qui a vraiment rendu Aaron Paul populaire, donc ça m'étonnerait pas que ça ait démarré, je suis même à peu près sûr. Et donc. Ouais, c'est 2008 Breaking Bad, ouais. Et donc, on a le film existe en deux versions, à savoir la version courte qui dure un peu moins d'une heure cinquante, et la version longue qui rajoute 5 à 6 minutes de plus. La version longue est très importante. Pour le coup, alors oui, ça rajoute des images assez sordides, je vais détailler ça, mais ça rajoute aussi beaucoup de construction et un sentiment très très prégnant. Alors, pourquoi j'adore ce film ? Alors déjà, c'est un remake que je trouve vraiment largement meilleur que l'original. J'aime beaucoup l'original, mais je trouve que le remake le surclasse vraiment. Alors l'original, pour lui, d'être fauché, mais vraiment très méchant. Le remake va apporter la notion de douleur. C'est-à-dire que c'est un film qui va être extrêmement brutal, extrêmement violent. C'est peut-être une des pires scènes de viol qu'on ait pu faire au cinéma, potentiellement. Vraiment une scène de viol qui est très longue, extrêmement douloureuse, surtout dans la version longue. Et la vengeance des parents va être aussi très graphique. Donc c'est vraiment un film très violent où il y a pas mal de viande sur les murs. Mais c'est une violence qui est différente. À nouveau, comme j'ai dit, l'original était tourné vers quelque chose d'indicible, avec David Hess qui avait quelque chose d'un côté extrêmement froid, extrêmement rugueux. Ici, c'est une violence qui est beaucoup plus frontale et qui fait beaucoup, beaucoup plus mal. Après, on peut se poser la question sur moralement le fait de remaker un film comme ça. Personnellement, je trouve toujours ça intéressant d'avoir une espèce de fenêtre sur la noirceur de l'âme humaine. Maintenant, c'est aussi à voir avec les limites, parce que c'est vraiment un film qui est dur, qui est très raide, et moi je continuerai de détailler après, j'ai quelques scènes dont j'ai envie de parler. Toi Roman, La Dernière Maison sur la Gauche. Alors, concrètement, c'est un film qui, je trouve, bah, comme toi, mieux que le film de Craven sur à peu près tous les aspects, mais du coup, je trouve que cette espèce de justesse technique... enlève un peu au glauque du film de Craven. C'est-à-dire que j'aime pas le film de Craven, hein, mais il avait cette espèce de... Enfin, je sais pas, peut-être le grain de la pellicule d'époque aussi. Il y avait cette espèce d'aspérité qu'on retrouve pas dans ce film-là, parce que le numérique, parce que, justement, encore une fois, une justesse technique, ce qui fait du coup un meilleur film, mais potentiellement moins radical. Après, il y a évidemment bah, la scène de viol qui est... Bah, horrible. Horrible. Qui est d'ailleurs dans la même veine que celle dans le remake d'Aspect on Your Grave qui sort l'année d'après. Je pense d'ailleurs que le film que ce film-là a motivé pour le remake de... Qui est un remake qui est sordide aussi. Hein. C'est vraiment dur ce remake. Hein. Ah ouais. Et je trouve que cette espèce de manque d'aspérité est aussi symbolisée par le fait que, alors, léger spoil, mais c'est pas un gros spoil non plus, la fille survit. Mmh. La fille survit et regagne la maison de ses parents. Ce qui fait que, enfin, c'est pas dramatique en soi, mais je trouve que c'est symptomatique, disons, de cette manque de ce manque de, bah, justement, de bah, d'aspérité, de vraiment radicalité. D'un côté, oui, mais de l'autre, justement, c'est d'autant plus cruel parce que tu te retrouves avec cette scène qui est horrible, où les parents voient leur fille revenir et comprennent en voyant l'état de leur fille qui est dans un état déplorable, où elle est quasiment aux portes de la mort. Mmh. Comprennent donc quels sont les gens qui logent chez eux, et quelques scènes plus tard, t'as cette confrontation affreuse entre Aaron Paul et la fille qui réalise qu'elle va potentiellement mourir, et Aaron Paul qui bah, veut finir le travail, entre guillemets, qui va d'ailleurs va mener à la mort d'Aaron Paul de façon bien graphique aussi. Et donc je sais pas, moi je trouve que oui, le film a un côté moins sale que l'original, qui est vraiment... Je pense que ce film en HD, c'est pas, il faut pas qu'il existe en HD l'original. Et bah, pour le coup, il s'apprête à sortir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend. Tu vois, il faut vraiment garder un côté grain, vraiment crade, quoi. Comme le remaster comme massacre de la tronçonneuse. Là où celui-là a un côté certes plus propre, avec effectivement une charte technique qui est largement au-dessus. Il y a vraiment quelques images assez magnifiques. Je pense à cette image notamment de lorsque la fille nage et va se faire tirer dessus par. Par le trio de gangsters, et donc en se faisant en fait il y a un travelling arrière sur elle qui nage, et au moment où elle se prend une balle, il y a cette image absolument magnifique de elle dans l'eau avec le sang, enfin c'est assez magnifique, mais c'est justement le fait d'avoir des images aussi belles, aussi marquées, une réalisation aussi maîtrisée, parce que pour le coup la réalisation est vraiment impeccable. Ça donne justement d'autant plus un côté, certes un côté un peu spectacle, mais je trouve que ça renforce le sordide de l'histoire de base en fait. Et puis après, ne nous mentons pas, ça reste un pur film d'exploitation. Il y a pas vraiment de nuance là-dessus. Ouais. Mais tu vois, si je devais reprocher un truc au grave du Cournot, ce serait justement sa espèce de, c'est un film très lisse visuellement grave. Oh oui, mais comme il fait appel à plusieurs influences qui elles-mêmes sont des influences qui vont pas chercher à avoir un côté sale dans l'image, je pense évidemment à Suspiria, bah, moi ça me dérange pas, parce que étant donné que tu te ramènes... T'as pas besoin d'un côté... t'as pas besoin d'un côté granuleux et sale pour raconter une histoire qu'il est, c'est juste que ça te permet, certes, d'ancrer ton récit dans une espèce de réalité, entre guillemets, mais en revanche, le fait d'avoir une caméra HD ne va pas forcément limiter cet impact. Au contraire, ça peut d'autant plus renforcer certains effets. Bon, oui, ou justement moi, là, une dichotomie entre l'image et... Ça, mais ça peut amener du coup un côté irréel. Alors que là, étant donné que c'est une histoire qui est très banale, entre guillemets, par exemple, je pense que ce soit la scène de l'évier. La scène de l'évier, pour moi, elle a un côté assez réaliste. La seule scène qui me sort de ça, c'est la scène de fin avec le micro-ondes. C'est la seule scène qui me sort de ça. C'est la seule scène qui me ramène vraiment à un espèce de travail de fiction. Que mais du coup, si on a terminé sur le film, où est-ce qu'il est disponible? Alors, il est disponible sur Tubi, il est disponible en DVD en France, en version longue chez Universal, et il a un 4K à venir chez Arrow pour la fin d'année. Oh, ça peut être chouette en 4K. À noter aussi, le score de John Murphy, j'en ai rapidement très rapidement, il est exceptionnel. Ok, donc, alors, et avant de passer au prochain film, du coup, une autre actu, c'est la fin de tournage pour Alien Romulus. Alors, nouveau projet Alien par Fede Alvarez. Je pense que tu t'y connais mieux que moi. Quel est donc ce projet? Bah, donc c'est... alors, le projet de continuer la saga Alien après le carnage qu'on a fait Ridley Scott traîne dans les tuyaux depuis un moment déjà. Et tout va déjà même sur Ridley Scott à l'époque de Prometheus. il y avait des projets de... Enfin, le projet de base de Prometheus, c'était Alien 0. Donc voilà, il y avait d'autres idées encore. T'as vu le Alien 5 avec Neil Blomkamp aussi. Ah ouais, le Alien... Enfin, c'est une saga qui a bossé. Voilà, si c'est pour me dire qu'en fait les aliens sont gentils et qu'ils sont juste mal compris, non merci. Mais du coup, Alien par Fede Alvarez. Je pense que c'est une combinaison de noms qui est assez jouissive à l'oreille en guise de projet. Je sais que toi, tu as en tête le Dahlia Noir. Bah ouais, en fait, moi j'ai en tête le Dahlia Noir et j'ai surtout en tête le Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que, à nouveau, Massacre à la tronçonneuse, c'était un projet friqué, mené par Fede Alvarez, fait par un Texan. Donc, enfin, fait par un Texan dans le sens où, Toby Hooper étant Texan lui-même, il y avait cette espèce de continuité qui se faisait. Et une promesse d'une violence vraiment graphique, crade et tout ça. Et donc, on se disait, je me suis dit, ah, le Massacre à la tronçonneuse, ça va être génial, quoi. Surtout à nouveau, Massacre à la tronçonneuse, ça gagne aussi pas mal qu'à bosser. Et donc, on se disait, ah, ça va être trop bien. Et en fait, le film était, je trouve, monstrueux, mais vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. Que ce soit. Moi, je me suis toujours pas remis de la victime de mass shooting qui trouve son salut par une arme. Je trouve ça affreux. Et Fede Alvarez, alors à nouveau comme toi, j'adore Evil Dead, j'aime beaucoup Don't Breathe, le 1, pas le 2. Donc pourquoi pas. Mais faut pas oublier que Fede Alvarez, c'est aussi Millennium. Et Millennium, c'était pas mal réalisé. Après, peut-être que le projet était pas de lui, enfin, je sais pas comment ce projet est né. Mais Millennium, dans les faits, moi je trouve ça vraiment compliqué. Donc je sais pas trop quoi penser de ce futur Alien à nouveau. Peut-être, peut-être pas, pourquoi pas. On verra ce que c'en est, mais j'avoue, il y allait quand même un peu à reculons. Je me méfie quand même un petit peu, parce que... Oui, Fede Alvarez, mais justement, Fede Alvarez. Oui, Alien, justement, Alien. Sans que moi, je trouve pas Covenant et Prometheus, je trouve pas ça... Enfin, je trouve ça totalement inintéressant. Même si, en tant que film Alien, c'est complètement raté, ça c'est un fait. Donc, je sais pas trop quoi en penser, surtout dans quelle direction ça va aller. Est-ce que ça va aller vraiment dans ce que Alvarez aime, à savoir le gore qui tâche. Ou est-ce que ça va essayer d'élever un petit peu ça en proposant vraiment un vrai film Alien qui soit, entre guillemets, dans la continuité de la quadrilogie originale, à savoir des films menés par leurs auteurs. Donc je sais pas, je suis très curieux de voir comment le film va être vendu aussi, tout simplement. Et donc je suis très intrigué, parce que de nouveau j'adore la saga Alien, vraiment. Je suis très intrigué. Maintenant, est-ce que j'ai hâte? Je sais pas, à nouveau, j'ai tellement, mais tellement haï le Massacre à la tronçonneuse que je... Comment dire? Que je sais... Je me refuse, on va dire, toute hype trop disproportionnée pour le projet Alien. D'autant que la sortie est prévue pour 2024, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, juste pour le coup, sur le Massacre à la tronçonneuse, il a juste écrit l'histoire, pas le scénario. Donc... Oui, mais à nouveau, le projet était vraiment drivé par lui... mis sur son nom, il a assuré la promo, il y avait un duo de réalisateurs avant le réalisateur actuel qui était engagé, en fait, à 90% je crois du tournage, ils ont tout refait, enfin, c'est un film qui a bossé, mais toujours est-il qu'il est dans le projet, et le projet a vraiment été fait sur lui, sur la caution Fede Alvarez, donc c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment circonspect, on va dire, sur le Alien. Et toi, du coup, t'es quand même... Je sais pas, toi, je sais que le Massacre de tu l'avais aimé, il me semble... Non, je l'avais pas détesté. C'est-à-dire. Donc voilà, quand même une vraie hype ou... Bah, je trouvais que le Massacre, en tant que slasher, il fait le taf. Oui, c'est clair qu'en termes de viande sur les murs, il est très très très généreux, mais... Voilà, après, bon... Putain, ce qu'il raconte, quoi, non mais c'est... En fait, c'est un film de boomer. Mais pire qu'un film de boomer, c'est un film de boomer réac. Non, quelle horreur, ce film. C'est un pléonasme, ça. Ouais, non, ça n'a rien à voir, mais pour le coup, non, vraiment, c'est un film qui m'énerve, en fait, surtout parce que c'est un film qui est vraiment... qui en plus, qui ramène Sally, enfin bref, je le déteste. Bref, on passe à la suite. On passe au Maniac. Alors, Maniac, évidemment, remake du classique de William Lustig et de Joe Spinell, on l'oublie, il était derrière le scénario et un petit peu de la réalisation, de 1980, qui est réalisé par Frank Calhoun. Alors, Frank Calhoun, c'est quelqu'un qui a fait P2, donc Deuxième Sous-Sol, qui était un film plutôt sympathique, mais qui après une carrière qui est un peu partie en couille et qui finalement, carrière qui a sombré dans là où les réalisateurs vont mourir, c'est-à-dire la saga Amityville. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui, à part Maniac... et potentiellement Deuxième Sous-Sol, n'a pas fait grand-chose d'autre. Et d'ailleurs, bon, le film est réalisé par Calhoun, mais donc partout dans le monde, le film s'appelle Maniac, sauf en Allemagne. Ça s'appelle comment ? Alexandre Ajaz Maniac. Bah oui, mais pour le coup, c'est assez légitime parce que, suffit de voir le making-of pour ça, le remake est non seulement produit par Aja, mais est également... Aja était là sur le tournage, il était très présent. Il laissait la direction d'acteur à Calhoun, Calhoun ayant été comédien par le passé. Mais vraiment, il l'aidait à la réalisation de certaines scènes. Donc on peut quasiment considérer Maniac comme une extension de sa filmographie. Alors tu dis que c'est produit par Aja, c'est aussi produit par ce proxénète de Thomas Langman. Thomas Langman... La Petite Reine. Ah oui, oups, voilà. C'est compliqué. Alors juste, on parlait de titre alternatif, je l'avais pas dit sur la maison sur la gauche. Le film s'appelle, en Amérique latine, La Venganza de la Casa del Lago. La vengeance de la maison du lac, un truc ouais. Comme ça. Oh, putain. Qui est classe, je trouve. Et donc le film sort en 2012. La saga de la mode des remakes commençait déjà à s'essouffler à ce moment-là. Et donc, Aja et Levasseur vont mener le projet de remake entre eux. Ils vont confier la réalisation à Calhoun. Et ils vont confier le casting à Elijah Wood. Alors, ça a pas mal fait gronder lorsque ça a été annoncé. Et donc, Elijah Wood, bon, Lord of the Rings, Sin City, bref. Voilà. On connaît le bonhomme. Ça se trouve fait jaser parce que Elijah Wood a une grosse tête de gentil. Bah ça, et surtout, il a pas du tout la même morphologie que Spinel. C'est-à-dire que Spinel, c'est quelqu'un de très trapu, qui a vraiment un côté massif. Et Elijah Wood est beaucoup plus enfantin, entre guillemets. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je vais détailler juste après. Alors, très rapidement, bon, la photo est assurée par Maxime Alexandre, chef op d'Aja évidemment, et la musique, magnifique musique, est assurée par Rob. On en avait parlé sur l'épisode Revenge, mais il a fait la musique de Gretel et Hansel, Horns, etc. Alors, le remake de Maniac, pour moi, comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors, il fonctionne déjà grâce à sa décision de réalisation, qui est de faire le film en POV, en première personne. Ça tombe pas non plus dans la mécanique de faire des plans séquences dans tous les sens, hein, évidemment il y a des coupes, etc. Mais c'est un film qui est entièrement fait en POV, à l'exception de certaines scènes, notamment les scènes de meurtre, où là la caméra va avoir tendance à sortir pour passer en troisième personne, une sorte de métaphore d'extase du meurtre, entre guillemets. Mais je trouve que c'est à la fois une idée assez maligne, parce que ça permet d'éviter de mettre le spectateur dans une position vraiment inconfortable, à savoir être dans la POV d'un meurtrier, tout simplement. Et en même temps, ça marque l'envie du film, c'est-à-dire de ne pas aller dans la peur ou la terreur que pouvait susciter le film original. Le film original, on peut se rappeler de la scène du métro, de la scène des toilettes, qui sont vraiment des scènes extrêmement effrayantes, extrêmement stressantes, extrêmement angoissantes. Là, on est vraiment dans un film qui est beaucoup plus... presque lyrique, entre guillemets, qui est beaucoup plus axé sur une forme de poésie, sur le malheur de son héros principal, avec vraiment certains... Alors, à nouveau, des scènes de meurtre sordides, vraiment, il y a des scènes de meurtre bien, bien graphiques, mais il y a aussi des scènes vraiment très belles, vraiment très poétiques, notamment les mécaniques des mannequins qui sont remises, et c'est une sorte de proposition complètement alternative, c'est-à-dire que au lieu de avoir peur du héros original, on va vraiment avoir pitié de lui. Et le fait de mettre ça en dispositif, dispositif de POV, ça permet de créer des réactions assez différentes. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir des réactions du style, on peut comprendre ce que le personnage va ressentir, on va être à sa place, vraiment dans sa peau, et on voit que, quelque part, c'est une victime de ses pulsions. Là où, il y a d'autres scènes, on va vraiment être effrayé, limite on demande au personnage « Ah, ne regarde pas par là, s'il te plaît, le personnage est caché, ne regarde pas par là. » Bref, c'est vraiment un film où j'ai un vrai plaisir en le voyant, c'est un film qui est assez malin aussi dans son approche du remake. Par exemple, on parlait des différences, là où le film original est très sale, à nouveau en termes de grain, de film original, ça se pose là. Là, on est sur un film qui est beaucoup plus propre, qui va changer de contexte, qui va changer de ville. Il avait été d'ailleurs aussi un temps question que le film se déroule à Paris. Finalement, ce n'est pas le cas. Parce que l'original se déroule à New York. L'original se déroule à New York. Et donc, voilà, c'est vraiment une autre proposition que j'aime vraiment bien, qui est assez originale, qui est... je vais pas mentir, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment cru que c'était un chef-d'œuvre. Je me suis pris une grosse claque. Là, en le revoyant, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est au nouveau un de ces remakes qui, je pense, est les plus originaux et les plus pertinents, on va dire, sur son sujet. Alors moi, bon, ça va être assez rapide. C'est-à-dire que le genre de film de Psycho Killer, qui est donc une sorte de sous-genre du slasher où on va suivre le tueur et non pas les victimes, ce qui était déjà Maniac, bah là, le principe est vraiment poussé à fond, c'est-à-dire que on suit le tueur, mais on est le tueur. Et là, je trouve que tu parlais de pertinence, là c'est pertinent de remaker ça, de remaker un film comme Maniac dans la peau du tueur, littéralement. Surtout de le remaker en tentant pas d'avoir le même impact que l'original. À nouveau, l'original, c'est vraiment très sale, très violent et très... ouais, tu t'en sors, t'as envie de prendre une douche, quoi. Ouais. Là où le remake, il y a un côté presque plus élégant, on va dire, dans la démarche. Est-ce que c'est mieux ? Pas forcément. T'enlèves le côté vraiment âpre de l'original, qui à nouveau, vous pouvez faire tout son charme. mais t'as... c'est un autre regard sur le matériau que je trouve vraiment assez intéressant. Mais du coup, le fait d'enlever ce côté âpre gagne peut-être en identification, je dirais, au tueur. Enfin, le... Pas identification, mais enfin, le fait de... En empathie, peut-être, pour lui Oui, c'est... t'as clairement des scènes où t'es pris en empathie pour lui. La première scène de sexe, par exemple. Où ouais. Il est entre guillemets à deux doigts de faire la chose avec un personnage féminin. Et il y a vraiment on voit qu'il est en dilemme interne entre guillemets sur la pulsion qu'il a et en même temps le fait qu'il n'ait pas envie de la tuer. Mmh. Et à savoir aussi, Elijah Wood était très présent sur le tournage. C'est-à-dire, on pourrait se dire, oui, il est juste là sur les scènes où on le filme. Et non, en fait, on est. Enfin, donc. C'est ses mains qu'on voit à l'écran, et quand c'est pas ses mains, c'est lui qui donne la réplique. Enfin, il était vraiment très très très présent sur toi. C'est un projet qu'il a aussi beaucoup porté, et ça se voit à l'écran. Enfin, je trouve la performance qu'il donne assez, assez folle. Et ouais, et c'est la performance qu'il donne, comme tu dis, assez folle. Même si, évidemment, ceux qui ont vu l'original ont en tête ce Joe Spinell possédé. Qui est terrifiant. Ouais. La scène où il étrangle une prostituée dans l'original, je la trouve terrifiante. Vraiment, je la trouve vraiment vraiment traumatisante. Mais du coup, bah... forcément, Elijah Wood n'est pas Joe Spinell. Oui, mais justement, c'est cohérent avec le projet de faire autre chose. C'est-à-dire c'est ça, justement. La vue subjective permet de pallier au problème que bah, Elijah Wood, c'est Frodon. C'est pas... c'est pas Frank Zito. C'est... Oui. Anecdote, d'ailleurs, sur le Maniac Original, il y a une suite au Maniac Original. Enfin, il devait y avoir une vraie suite. Il y a quelques trucs qui ont été tournés. Malheureusement, Joe Spinell est mort avant que ça puisse se faire. Mais du coup, sur YouTube, si vous tapez Maniac 2, il y a une espèce de pseudo bande-annonce projet qui s'est fait, qui est... Bon, voilà, c'est toujours intéressant de savoir qu'il devait y avoir une suite à la base. Ok. Ok, ok. Et vraiment, je mets l'accent également sur la BO de Maniac, qui est vraiment une BO vraiment, vraiment exceptionnelle. Et je vous invite à aller l'écouter, la musique de Rob qu'il a composée pour le film Maniac. C'est, je pense, ça joue à... Ouais, un bon 50% de l'impact que produit le film. En témoigne le générique d'intro, où c'est les plans dans la ville avec la musique qui est vraiment à tomber par terre. Toi, t'as fini sur le film ? J'ai fini sur le film. Ok, donc vite fait, le film est dispo sur Tubi et sur Plex, mm-hmm. si vous avez un VPN. Et sinon, il y a un steelbook Blu-ray français édité chez Studio 37 qui vaut aujourd'hui 85 balles si vous le voulez neuf, 20 balles si vous le voulez d'occasion. 85 euros le steelbook. Ouais. Faut le vouloir quand même. Ouais. Et il y a aussi un 4K allemand dans un boîtier style VHS édité chez Nameless Media. Parce que évidemment, c'est les Allemands. Mais les Allemands, ils éditent tout, ils le font d'ailleurs avec plaisir. Ok, et on passe du coup au dernier film. Alors là, ça va être un gros dossier. Ça va être le plus gros dossier. Ouais, le plus gros pour la fin. Suspiria de Luca Guadagnino. Je dis Suspiria, mais évidemment, Suspiria, la danse de la peur au Brésil, Suspiria, El Maligno au Mexique. Voilà. Une tripotée de titres, encore une fois. Donc, film sorti en avril. Alors, en avril 2018, il y a quelques extraits qui sont montrés à la CinemaCon. Et on raconte que c'était tellement intense et perturbant que certaines personnes sont parties en plein milieu des extraits montrés. Sinon, à part ça, le film fait sa première projection le 1er septembre 2018 au Festival de Venise, le 2 novembre 2018 en France, et aux USA, et le 14 novembre 2018 en France. Voilà, donc c'est un film de Luca Guadagnino. Qui est un réalisateur atypique. Atypique, voilà. En témoigne ben, son Bones and All, son Call Me By Your Name. Bones and All, qui est un film que je trouve... très étrange, on va dire, qui me reste malgré vraiment la haine que je lui ai vouée en sortant. Et Call Me By Your Name, qui est un film qu'on déteste tous les deux, même si je suis quand même plus clément que toi. On peut pas dire que c'est mal réalisé, en revanche c'est chiant. Voilà, ou qui a réalisé également A Bigger Splash avec remake de la piscine avec Dakota Johnson et Tilda Swinton, et aussi David Kajganik au scénario. On en reparlera du coup. Ou le futur Challengers, voilà, ce fameux mème avec Alex Zendaya qui se fait embrasser le cou par deux mecs. Mmh. Voilà, c'est lui. Mais ça a failli ne pas être lui. Puisque au début des années 2000, lorsque Guadagnino acquiert les droits du Suspiria original, il propose le film à David Gordon Green. Oh putain, quel enfer. Oh putain, non, il faut pas ça. Non, quelle horreur, je préfère même pas imaginer. Voilà, donc... projet qui aurait dû avoir soit Nathalie Portman, soit Isabelle Furman dans le rôle principal. Ah, pourquoi pas Isabelle Furman? Pardon, pas dans le pas l'une et l'autre, enfin c'était les deux, et dans le rôle de Madame Blanc, soit Judi Dench, soit Isabelle Huppert. Isabelle Huppert en Madame Blanc, ça aurait été cohérent. Ouais. Putain, mais il y a David Gordon. Non, pour le coup, il faut pas qu'il touche à Suspiria, lui. Mais le projet a été abandonné pour cause de conflits financiers. Voilà. Quelque part, tant mieux. Et donc, quand Guadagnino reprend en main le projet, il décide d'en faire de drastiquement changer la trame et d'en faire plus un hommage au film de Argento plutôt qu'un remake à proprement parler. Donc, au cœur d'une prestigieuse compagnie de danse règne une sombre menace qui plane sur la directrice artistique, une jeune danseuse ambitieuse et un psychothérapeute en deuil, alors que certains sombrent dans le cauchemar, d'autres se réveillent enfin. Donc on a ce scénario à David Kashganik, donc qui était scénariste sur Bones and All de Guadagnino, et aussi sur Invasion, le remake de des Profanateurs avec Daniel Craig et Nicole Kidman, sur Blood Creek de Schumacher avec Henri Cavill et Dominique Purcell et Michael Fassbender. Voilà. Donc d'après le scénario de Argento et Dario Nicolodi pour le film de 77, sachant que Argento a d'ailleurs exprimé ses divergences avec Guadagnino. Il a dit que l'intérêt d'un remake lui passait au-dessus, que ce soit soit faire la même chose, mais à ce moment-là tu fais pas un remake, tu fais une copie. Bonjour Gus Van Sant. Oui, mais pour le coup, Argento, il était quand même dans la période où il sortait de la Troisième Mer, hein, donc bon. Il sortait de la Troisième Mer et de Dracula. Donc. Ah, il y a quand même un petit moment entre les deux, hein. Dracula c'est 2012. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le Suspiria de 2018, il y a une scène qui ressemble en bien à une scène de la Troisième Mer, donc la scène de fin. Donc ça m'étonnerait pas que D'Argento l'ait juste eu super mauvaise. Donc soit tu fais la même chose mais tu fais pas un remake, tu fais une copie, ou soit tu fais quelque chose d'intrinsèquement différent, et à ce moment-là, pourquoi tu l'appelles Suspiria? Ce ne sont pas les mots, ce sont ceux de Dario. Voilà, je ne suis pas d'accord avec notre mangeur de pâtes préféré. Du moins pas toujours. Il ajoute aussi qu'il trouve ça absurde qu'on ne l'ait consulté sur rien, que ce soit le casting ou les décors, alors que c'est pas ton film, tout simplement. Et selon lui, le film trahit l'esprit de son film à lui, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de musique. On en reparlera de la musique, parce que putain, waouh. Mais il dit que cependant que le film est à l'image de Guadagnino, c'est-à-dire un film raffiné. Le problème de Guadagnino dans son cinéma, jusqu'à Bones and All, en tout cas, je trouve, c'est que c'est un cinéma très bourgeois, très refermé sur lui-même, et Suspiria n'échappe pas à la règle. Maintenant, Bones and All est complètement autre chose, il est parti faire du white trash. Mais tu peux définir white trash? White trash, c'est le côté Amérique rurale avec des gens généralement consanguins ou cannibales ou les deux. Typiquement La Colline des Yeux. Mm. La dernière maison sur la gauche, ouais. Originale. Donc c'est vraiment le côté Amérique crade, violente, tout ça. C'est ça. Il y a un autre ton pour ça, c'est les hillbilly, c'est ceux qui vivent, c'est l'espèce de montagnard dans les Appalaches. Voilà. C'est typiquement Délivrance. Exactement, Délivrance de John Borman. Voilà. Au cast, on a évidemment Dakota Johnson, qui a subi un entraînement de ballerine pendant 2 ans pour faire ce rôle. Donc, entraînement de ballerine en parallèle du tournage de 50 nuances plus claires. Voilà. Donc, 2 heures par jour pendant 2 ans. J'ai envie de dire, c'est quelque part, c'est super bien pour elle qu'elle ait fait ça en sortant de 50 nuances, parce que bon, au moins, elle prouve qu'elle est. Elle peut enfin prouver qu'elle est vraiment une bonne actrice. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai revu les Jump Street hier et elle est dedans. Elle est dedans, écoute, je ne sais pas. Elle a un petit rôle dans le 1, elle fait partie du programme Jump Street, justement. Et à un moment, il y a Ice Cube qui dit à Channing Tatum, ta bite qui pue, tu la gardes pour toi. Oh, et à ce moment-là, elle regarde la bite de Channing Tatum, justement. Écoute, tu viens de me rappeler pourquoi j'aime pas ces films. Ah mon dieu. Elle a d'ailleurs dû subir une thérapie après le tournage du film qui l'avait grandement affectée. Une thérapie? Ouais. Ah putain. Oups. On a Mia Goth aussi. Grandiose Mia Goth. Voilà, qui. Le film sort 1 an après A Cure for Life. Ouais, qui est une des meilleures actrices actuelles. Voilà, donc qui. Elle commençait déjà à se construire une solide carrière dans le cinéma d'horreur. Je crois que la même année ou l'année d'après, elle fait La Maison des Marrowbones. C'est après. Et avant, mais quelques années avant, elle avait fait un super film qui est très oublié qui s'appelle The Survivalist. Okay. Où elle joue dedans et elle rend shot. Mais Mia Goth aujourd'hui, c'est surtout X et Pearl. X et Pearl, voilà, et future Maxine. Hmm. Voilà. On a Tilda Swinton, donc c'est sa 5e collaboration avec Guadagnino. Tilda Swinton, qu'on ne présente plus. Bon, c'est trop long à présenter, mais qui est à nouveau aussi une des plus grandes actrices en vie actuellement. Voilà. Alors le psychothérapeute est joué par Lutz Ebersdorf. C'est pas un vrai acteur. Voilà, alors. On trouve pas d'infos sur lui, est-ce qu'on dit pourquoi? C'est Tilda Swinton. C'est Tilda Swinton. C'est maquillé, mais. Qui, pour le coup, je trouve ça, c'est un des seuls vrais, pas défauts, mais. un truc du film qui, je trouve, est un peu dans la démonstration. C'est-à-dire que je vois l'idée derrière. Bah, on détaillera lorsqu'on parlera du film, mais je vois l'idée derrière, je vois la note d'intention, mais je peux pas empêcher de trouver que c'est un petit peu un tour de force de petit malin quand même. Aussi, après, c'est peut-être justement pour aller sur le côté casting uniquement féminin. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je dis, je vois l'intention derrière, mais ça. Tu vois, moi, quand je vois des gens avec le maquillage partout, ça me fait pareil que ce soit sur Gary Oldman dans Les Heures Sombres par exemple, ou Christian Bale dans Vice, je crois. Ouais, Vice. C'est que moi, je vois pas l'acteur, je vois un côté tout de suite performer, et j'avoue que ça me sort un petit peu. Bah après, elle en fait pas trop non plus. Non, c'est vraiment le côté regarde, je fais jouer un personnage avec du latex, etc. D'ailleurs, elle a demandé, donc en plus du maquillage, tout ça, à avoir un faux pénis pour la scène où elle tournait le psychothérapeute. Bah écoute, le souci du détail. Voilà. On a aussi Chloé Moretz. Dans un petit rôle. Dans un petit rôle, mais qui est le. Patricia, donc dans la scène d'intro, et dans une autre scène aussi plus tard dans le film. C'est son 5e remake de film d'horreur. Attends, elle a fait Carrie, elle a fait Morse. Ouais, Morse. Donc laisse-moi entrer. Ah, ouais. Les autres, non, je sais pas. The Eye et Amityville. Oui, c'est vrai qu'elle a fait le Amityville. C'est son premier rôle au cinéma, le remake d'Amityville avec Ryan Reynolds. Mais écoute, ça m'était complètement sorti de la tête. Et 6e remake, si on compte, le Dark Shadows de Burton comme un remake d'horreur. C'est pas vraiment. Mais déjà, horreur, faut le dire vite, et film, faut le dire vite aussi, parce que c'est une série à la base. Ouais, et bon film, faut le dire très vite aussi. je déteste pas Dark Shadows. Je préfère rien dire. Et on a le retour de Jessica Harper. Qui était l'héroïne du film de Argento. Ou Phoenix dans Phantom of the Paradise. Mmh. Évidemment. Évidemment. Ou l'héroïne de la suite du Rocky Horror aussi. Shock Treatment, ouais. Ouais. Qui prend du coup le rôle que tenait Susan Sarandon dans le Rocky Horror. Mmh. Donc elle a d'ailleurs été directement choisie par le scénariste, mais elle lui a menti sur ses connaissances en allemand. Ce qui fait qu'elle a dû prendre des gros cours d'allemand pour le rôle. Oupsie. Parce que oui, pourquoi l'allemand? Parce que le film se passe en Allemagne et comme le premier, mais va évoquer l'Allemagne des années 70. On est dans la guerre froide, on est dans une Allemagne divisée entre le bloc de l'Est et de l'Ouest. Encore sous le poids du nazisme. C'est ça, on est sur une Allemagne, comme tu le dis, post-seconde guerre mondiale. C'est une Allemagne compliquée, c'est une Allemagne divisée. Donc ça, on en parlera tous les deux dans la partie analyse. Mais donc à la musique, on a Thom Yorke, chanteur et compositeur de Radiohead. Mm-hmm. Le thème Volk, je l'ai toujours en tête là. Il est. Ah mais toute la musique du film est exceptionnelle. Il y a un travail sur la composition et sur comment tu vas te réemparer des thèmes posés par les gobelins sans jamais les citer, sans jamais les réévoquer, mais juste en reprenant des gimmicks de composition. La BO est fantastique, quoi. Vraiment, il y a un travail. Enfin, après, en général, je serais parler aussi de la photo, des influences picturales, ça, mais il y a un travail sur vraiment la fabrication du film qui est hallucinant. C'est complètement, complètement dingue. Ouais. C'est d'ailleurs son premier travail sur un long métrage de fiction. Il avait composé pour des courts métrages ou pour des documentaires, mais c'est son premier long métrage de fiction. Même pas pour des courts métrages, quoi, mais pour des documentaires, oui. Et à part ça, bah, y a eu des morceaux de radio utilisés dans d'autres films, mais ça, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir, ça. Voilà, et à la photo, on a Sayumbu Mukdiprom, un Thaïlandais qui a. C'est le chef-op thaïlandais. C'est ça, qui a presque que travaillé sur des films de son pays qui ne se sont pas exportés. Mais qui a aussi travaillé sur Call Me By Your Name. Et littéralement, en termes de photo, c'est l'opposé de l'original. C'est l'opposé tout en étant dans une vraie continuité de volonté. Enfin, je détaillerai lorsque j'en parlerai, mais moi je trouve ça vraiment admirable. Le travail qu'il y a autour de ça, je trouve ça vraiment. Je sens qu'il y a une vraie recherche et que c'est malin, que c'est pas juste, fait par-dessus la jambe. Du coup, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que Guadagnino, pour volontairement se distinguer du film d'Argento, va opter pour avoir le moins de couleurs primaires possible, et les autres couleurs que tu vois, c'est comme si elles avaient été passées à la javel. Vraiment, tout est terni. C'est, encore une fois, c'est ces termes. Et, pour le coup, je trouve que c'est assez malin, parce que si tu veux jouer sur le terrain du super d'Argento, tu vas perdre. Bah voilà, c'est-à-dire que Argento, j'aime à dire, évidemment en exagérant un petit peu, qu'il a littéralement posé les bases de la couleur rouge au cinéma, il a défini l'utilisation de la couleur. Évidemment, j'exagère un petit peu, mais effectivement, c'est-à-dire que Suspiria, c'est à peu près indépassable, sauf par lui-même, c'est-à-dire que qu'est-ce qui concurrence Suspiria ? Bah, Inferno. Donc c'est très compliqué à faire. Et le remake va être tout aussi beau. Moi, bon, je trouve le remake, c'est un plaisir visuel. Il y a une composition de plans, c'est complètement ma boule. Il y a vraiment des plans, mais de malade. Je pense notamment toute la scène de fin, de, enfin, qu'on spoilera plus tard, ouais. Mais qui est tombée par terre tellement c'est beau. Tout en étant jamais dans la citation ouverte des couleurs d'Argento, c'est-à-dire que ça va jamais être les couleurs pétantes, criardes de l'original. Et en étant si ça utilise des couleurs ternes, ça le fait vraiment de façon très travaillée, en allant citer vraiment des influences picturales très marquées. Vraiment, il y a un travail à nouveau sur la photo, mais qui est dingue. Vraiment, surtout, ce que je trouve vraiment génial, c'est que les gens, ça se voit qu'ils se sont posé la question de « on retravaille un classique ». Comment est-ce qu'on le retravaille ? Comment est-ce qu'on en parle ? Enfin, comment est-ce qu'on va le montrer ? Comment est-ce qu'on va le refaire sans jamais, entre guillemets, manquer de respect à l'original ? Donc, vraiment, la photo du film... Pour moi, en fait, la photo du film marque toute sa note d'intention. Mmh. C'est ça. C'est-à-dire que donc, Guadagnino, il a clairement fait son Suspiria, on sent une réelle volonté de s'émanciper du film d'Argento, et il réussit en changeant presque tout, c'est-à-dire l'identité visuelle, l'identité sonore, là où le film d'Argento était... très baroque dans... c'est littéralement la définition, je pense, baroque synonyme Suspiria. C'est ça. C'est le film baroque ultime. C'est ça. Donc, aussi les thématiques, donc à savoir le deuil et la guerre, qui sont pas du tout présentes dans l'original. Qui le sont, mais différemment. C'est... Enfin, en tout cas, moi je le reçois comme tel, je trouve, mais c'est... plutôt... C'est-à-dire que t'as pas la guerre présente, mais t'as l'impact qu'elle a laissé. C'est-à-dire que t'as vraiment... T'as beaucoup... Alors, bon, ça c'est un des points du film qui est approximatif, mais c'est sur l'héritage du nazisme en Allemagne. Et du coup, tu sens encore le poids de la guerre et d'un pays qui n'arrive pas à regarder son passé correctement. Enfin, c'est une situation politique en Allemagne qui est assez passionnante, alors que je serais bien incapable de détailler de façon correcte, entre guillemets. Mais c'est un moment de la vie politique en Allemagne qui est dingue, parce que c'est un pays qui a vécu un des épisodes les plus traumatisants de l'humanité et qui n'arrive pas à le regarder en arrière, qui n'arrive pas à se regarder en face, entre guillemets. Et donc, le film essaye de retranscrire ça. Alors, est-ce qu'il le réussit plus ou moins ? C'est toujours bien là. Donc, à nouveau, t'as ce truc de... on reste dans la continuité, tout en proposant autre chose. Enfin, à nouveau, c'est admirable. C'est vraiment, vraiment admirable. Voilà. Même, encore une fois, en se distinguant, en partant dans le body horror, notamment ce lien entre la sorcellerie et la danse. Comme si la danse était une espèce de transe mystique... Et y a notamment cette scène, ce montage alterné. Exceptionnel. Ouais. Putain, bah, entre je te laisse dévoiler. Entre Dakota Johnson qui danse et... le personnage de Patricia. Voilà, qui prend cher. Bah, qui en gros voit son corps se désarticuler au fur et à mesure pour vraiment finir, mais pas broyé, mais vraiment physiquement torturé, défaite. Voilà. Et ça a été fait par quelque chose que moi j'aime beaucoup, les trucs utilisés au cinéma. Ça a été fait par une danseuse professionnelle qui mettait ses membres n'importe comment. Et en fait, moi, à chaque fois que je vois ça, ça me rappelle, je sais pas pourquoi, mais Horror of the Malformed Men de Teru Yoichi. Je connais pas du tout. C'est un film japonais assez extrême, mais que moi j'aime beaucoup, qui aussi emploie aussi un danseur pour faire des espèces de danses très étranges. Qui crée à nouveau une espèce de transe, assez parti. C'est très difficile à décrire, faut vraiment le voir pour le comprendre. Et c'est un... J'adore quand on amène des danseurs au cinéma, ça amène souvent quelque chose de très physique, très charnel. Ouais. Comme Livid de Busto Emori, oui. Avec Marie-Claude Petragala. Oui, après, c'est pas les mêmes niveaux quand même. Enfin, c'est pas, oui. C'est pas que j'adore Livid, hein. Mais c'est que c'est pas la même utilisation qui en est faite. Là, c'est vraiment le cœur du film, et Horror of the Malformed Men, c'est autre chose. Ouais. Mais non, voilà, Suspiria. Le cast évidemment est impeccable. Enfin, je veux dire, Dakota Johnson, bah, bouffe l'écran à chaque instant. C'est ça, elle confirme son statut d'excellente actrice. Le charisme et la prestance légendaire de Tilda Swinton. Tilda Swinton, à nouveau, on pourrait lui faire jouer un paquet de mouchoirs, qu'elle le jouerait merveilleusement bien. Enfin, quand elle regarde la caméra, en deux secondes, on peut être amoureux ou avoir peur. On a le choix. Enfin, c'est une actrice qui est. Mais dingue, et surtout qui fait des choix de carrière passionnants. Enfin, je crois qu'elle. En tout cas, moi, je l'ai jamais vue dans un mauvais film. Elle est pas dans les derniers Marvel, si. On la voit pas dans le Doctor Strange 2, genre en flashback ou une. Non, je crois pas. Ok, ça va alors. Ouais. Vraiment, c'est une actrice qui est formidable. Les gens de notre génération l'ont connue avec Narnia. Oui, bah écoute, moi, je l'ai connue avec Narnia, mais je l'ai surtout. J'ai surtout commencé à percuter dans... moi, j'ai percuté, entre guillemets, à peu près sur le tard. Mais dans... c'est vraiment La Voix Humaine de Almodovar qui est repassée en salle. Okay. Quand je l'avais vu, je m'étais dit, oh, ok, il se passe vraiment quelque chose. Après, j'avais vu d'autres films d'elle, et notamment récemment, on l'avait vu dans The Eternal Daughter de Johanna Hogg. Oui. Où elle est, mais. Pareil. Mais fabuleuse. Autant vraiment... je suis pas fan du film parce que je me fais colossalement chier, mais si autant. Tu peux comprendre. Autant Swinton dans le rôle est. Mais, elle est vraiment une actrice exceptionnelle. Mmh. Et puis Mia Goth, quoi. Mia Goth, mais quelle actrice aussi, quelle actrice. C'est... Voilà. Et donc, comme pour Halloween, toutes les esthétiques du film, que ce soit visuel, sonore, donc. Ancre vraiment le film dans quelque chose de vraiment plus proche du réel, moins exubérant, une réalité plus froide, ce qui rend du coup les incursions dans le fantastique encore plus percutantes, je trouve. C'est-à-dire que là où dans le super original, vu que tout est baroque, bah, le fantastique ressort moins, disons, détonne moins, alors que dans ce super là, c'est vraiment, vu que le film est plus froid, la scène de danse quand elle arrive... Bah, toutes les scènes de danse, même à la fin, quand elles ont toutes leurs espèces de franges rouges, là, pareil. Bah, le ballet, le peuple, là. Ouais. Bah, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un remake absolument passionnant. T'as parlé, évidemment, des différences, mais même, je trouve que dès le début, il te met une certaine note d'intention. C'est-à-dire que dans le super original, si on se rappelle bien, pendant trois quarts du film, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on se doute qu'il y a un truc, mais on ne sait pas vraiment est-ce que c'est des sorcières ou pas. Tiens, c'est évoqué, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas confirmé, entre guillemets. C'est confirmé qu'à la fin. Là où dans celui-ci, dès le début, le film va confirmer que ce sont des sorcières, littéralement en te le disant, plus ou moins. Après, moi, je me suis posé une question, c'est-à-dire que je me suis dit que c'est quand même vraiment... C'est à la fois très similaire au film de base, mais en même temps assez différent. Donc est-ce que c'est que un remake? Et j'ai cherché. Et en fait, j'ai compris que le Suspiria de base est inspiré très, très grossièrement, mais quand même plutôt bien, du poème Suspiria des Profundis d'un poète qui s'appelle Thomas de Quincey. Okay. Et en fait, pour essayer d'avoir lu un petit peu, d'avoir creusé ça, le remake Suspiria est basé quasiment plus sur ces poèmes-là que sur le film d'Argento, ce qui amène encore plus, maintenant évidemment le rapport est fait au film d'Argento, mais ce qui amène encore plus à la distinction entre les deux. Après ça, il y a plein de choix de scénarios qui sont super malins, c'est-à-dire il y a un développement, le film va développer l'univers autour des sorcières, sans jamais marcher sur les plates-bandes de la trilogie des Trois Mères, mais en même temps, en étant toujours assez malin dans la façon dont il va amener ça. Il y a un choix, tu as dit, de rester dans une histoire plus terre-à-terre, ancrée dans le réel. Pour le coup, je trouve les incursions du nazisme pas toujours subtiles et vraiment pas toujours nécessaires. Après, le film fait 2h30, ce qui passe plutôt vite d'ailleurs, hein. Le film est pas trop long, c'est vrai. Mais je me demande, est-ce que le nazisme était vraiment si utile que ça? Oui, ça permet d'accompagner la métaphore autour du féminisme, etc., qui est passionnante parce qu'il y a plein de thèmes autour du féminisme qui traversent le film, que ce soit la maternité, la sexualité, le deuil, le regard sur le corps, tout ça c'est passionnant. Maintenant, est-ce que amener les nazis en plus de ça pour en plus souligner une métaphore qui était déjà plutôt qui n'avait pas forcément besoin d'être souligné, est-ce que c'était nécessaire? J'en suis pas sûr. Et tu as parlé de la mise en scène de la danse, je trouve qu'il a une façon de filmer la danse qui est quasiment animale, que je trouve vraiment géniale. C'est-à-dire que la première scène de danse de Dakota Johnson, il n'y a pas de musique, c'est uniquement des frottements ou des bruits de corps. Il y a un côté vraiment ultra charnel animal, je trouve ça vraiment hypnotisant. C'est un film qui vraiment me fascine, en fait. C'est un film qui est destiné à cliver de toute façon, parce que de base, en tant que remake, voilà. Ouais. Et puis, il y a plein de choix. Par exemple, la scène de fin, bon, spoilons-la, qui est un sabbat de sorcières, où globalement, tout explose, enfin, toutes les trajectoires se recoupent et explosent en même temps, pour d'abord dans un sabbat malsain, magique, puis ensuite dans un gore fest un peu numérique quand même, mais assez impressionnant, avec un choix de couleurs qui là vont ramener directement au Suspiria original. Mais tout, bah, mais pas totalement non plus, c'est-à-dire que ça va être rouge, mais ça va être rouge terne. Oui, rouge terne avec quand même une image rouge clair, une seule sur le Dakota Johnson, et en décidant surtout de changer l'identité de Mater Suspiriorum. C'est-à-dire que Mater Superum, c'est plus la directrice de l'école, c'est le personnage principal depuis le début. Ça amène un autre regard. Alors, évidemment, on peut totalement comprendre qu'on déteste le film, parce que ça amène un côté quasiment prétentieux. Après, Guadagnino a toujours été sur cette limite, c'est-à-dire que Bigger Splash... Alors, je déteste le film, pour le coup. Mais Bigger Splash avait ça. Call Me By Your Name, c'est... Enfin, je trouve ça horriblement prétentieux dans le côté dont ça va vraiment faire de la pause avec sa construction de plan. Bones and All, on peut se poser la question, c'est toujours un peu... C'est quelqu'un qui est vraiment sur cette limite, mais là, dans Suspiria, je trouve qu'il a vraiment juste, il apporte autre chose, un autre regard, et il va dynamiser, enfin pas dynamiser, mais vraiment dynamiter les codes du Suspiria original pour l'amener sur son terrain, lui. C'est vraiment un film que je trouve, déjà qui en termes de pure construction, est admirable, esthétiquement, musicalement, c'est dingue, et qui, en termes de narration et de comment il va retravailler son statut de remake, apporte vraiment quelque chose de plus. C'est une espèce de très belle continuité au film d'Argento, une sorte de relecture, et c'est là où, pour moi, il a réussi à se distinguer, c'est que maintenant, pour moi, il y a vraiment deux Suspiria. Là, il y a le Argento et celui-ci, ils ont chacun des identités propres, ils ont leurs défauts. Non, celui d'Argento n'a aucun défaut. Mais c'est vraiment assez fou. Il a réussi quelque chose que peu de monde, je pense, lui aurait donné le crédit de faire. Maintenant, il a en plus eu le bon goût de ne pas promettre de suite ou quoi. Donc, c'est vraiment le film est unique. Il a ces choses qui me laissent circonspect. J'ai parlé du nazisme ou de la scène post-crédit que j'ai toujours pas compris. Il y a une scène post-crédit sur Dakota Johnson qui juste lève le bras. Ah, mais oui, je l'ai vu. Et part. Oui, oui. Voilà, et je sais pas. Guadagnino aime troller en disant oh, je sais pas, j'avais envie. Elle est sorcière ? Enfin, je sais pas. On sait pas. Mais c'est vraiment assez fascinant. Et pour moi, l'élément qui parachève de faire ce film, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas vraiment un excellent film, c'est la façon dont il va traiter la nostalgie. C'est-à-dire que facilement, lorsqu'on fait des remakes ou lorsqu'on fait des suites de films, etc., ou des suites tardives, on aime ramener des personnages du film original. L'exemple le plus probant de ça, pour moi, c'est Top Gun Maverick récemment, qui va faire appel à Iceman, et dans une scène qui est très belle, en plus d'être, je trouve, un joli hommage à Val Kilmer. Ici, le film va ramener Jessica Harper dans un petit rôle. Sauf qu'il va pas vraiment la ramener. Bon, spoiler, on a déjà spoilé la fin. C'est une illusion créée par les sorcières de ce film-là. Et donc, le film dit littéralement que... Ok, il donne la nostalgie, c'est-à-dire il connaît son classique, il connaît sa référence, mais il refuse vraiment d'aller vers elle, et il va faire son propre film, il va faire son propre univers. Alors, est-ce que ça peut être de la prétention ? Peut-être, moi je le vois vraiment pas comme ça, d'autant plus que je trouve la scène assez touchante, c'est-à-dire que Guadagnino, moi c'est un des problèmes que j'ai avec lui, c'est que je ressens rien devant ses films, je ressens rien devant ses œuvres. Bonzano me laisse très froid, malgré le fait que c'est un film qui me reste vraiment beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Call Me By Your Name, je préfère pas en parler. Bigger Splash, et voilà. Alors je sais qu'il a fait un autre film avant, qui a bonne presse, mais que j'ai pas vu. Je crois que c'est Amore, enfin, je ne sais plus. Dans une trilogie qui s'appelle La Trilogie du Désir, avec Bigger Splash et Call Me By Your Name. Et, voilà, et là, c'est le... Surtout venant de Suspiria, parce que, le Suspiria de base... Alors, nous, c'est un film que j'adore, donc si je me permets d'émettre une critique, c'est en adorant le film. Quelque part, je le rapproche de Hero de Zhang Yimou, c'est-à-dire que c'est un film... Alors, ils sont très différents dans leur conception, dans leur message, etc. Je parle purement en termes de ce qu'ils me font ressentir. C'est des films que je trouve, mais à tomber par terre visuellement. Ça s'en arrachait les yeux et juste on a envie de les poser devant le film tellement c'est beau. Mais c'est des films que je trouve glacial. C'est-à-dire que Hero de Zhang Yimou, tu sais, ça me parle d'une histoire d'amour transcendante à travers le pays, d'une histoire d'amour qui ne peuvent pas se retrouver, etc. Mais je ressens rien. Je ressens absolument rien devant le film. Suspiria, c'est à peu près pareil. C'est un film qui est d'une beauté, mais à tomber par terre, qui me parle d'une histoire millénaire, etc. Mais je ne ressens rien devant. Est-ce que c'est grave ? Non, pas forcément. Et là, le Suspiria 2018... m'a fait un petit pincement au cœur avec la scène avec Jessica Harper, et je m'attendais vraiment pas à vivre ça. Donc vraiment, c'est un film qui se forge une identité, qui se forge autre chose, à la manière du Halloween de zombies. Il va amener le film sur autre chose. Maintenant, il a de multiples raisons pour lesquelles il peut être détesté, le fait qu'il est potentiellement prétentieux, son concept de base de remake, son traitement totalement différent de l'original, son usage du gore numérique à la fin. Mais il a le mérite, l'audace de proposer autre chose. Et ouais, c'est vrai que si on avait des remakes comme ça plus souvent, ce serait bien. Genre, je pense, moi, un remake que j'attends. Je vais raconter une histoire un peu personnelle là-dessus. On approche de la fin. Y a un film que j'aime beaucoup, d'un réalisateur que je n'aime pas du tout, qui est Flatliners, l'expérience interdite, qui est un film des années 90, avec Julia Roberts, Kevin Bacon, y a un Sutherland, mais je sais plus lequel c'est. Bref. Il est jeune ou il est vieux ? Il est plutôt jeune. Bah c'est Kiefer du coup. Il y aurait moyen que ce soit il avait joué dans Six Guns, donc oui, il y a moyen que ce soit lui. Bref, j'aime beaucoup Flatliners. Alors Flatliners, si vous voyez pas ce que c'est un film sur une bande de jeunes qui vont faire ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, c'est-à-dire des expériences où pendant quelques secondes, quelques minutes, ils vont être en état de mort totale et être ramenés à la vie après ce court laps de temps. Ils veulent raconter ce qu'ils ont vu. Je sais pas si c'est une théorie scientifique avérée ou pas, mais bref, le film part de ce principe-là. Et pour le coup, le début est plutôt pas mal. Il y a un côté baroque, un peu fou, avec un usage de couleurs très influencé par Suspiria, à nouveau. Et alors, le problème du film, c'est sa fin qui vire dans l'espèce de catoporn, genre repentez-vous, tout ça, faut pas tromper la mort, Dieu, tout ça. Bon, Joël Schumacher, quoi. Mais j'aime vraiment bien la première partie du film. Lorsque j'ai appris que le film avait été, allait avoir un remake, j'étais plutôt content, c'est-à-dire qu'en plus, le remake, il y avait Elliot Page au casting, enfin, vraiment, pourquoi pas. Et à nouveau, si le film avait l'audace d'abandonner cette dernière partie un peu puante pour vraiment se concentrer sur le côté baroque fou du film de base, j'allais être super content parce qu'en plus, je me disais, mais il y aurait moyen de faire tellement de trucs dingues. Un peu à la manière de Hellraiser, quelque part, dans le sens où c'est des visions de l'enfer. Donc on peut travailler un univers visuel, il y a une matière filmique incroyable. J'ai pas pu voir le remake lorsqu'il est sorti, j'ai pas pu le voir tout de suite, et je me protégeais de tous les avis. C'est-à-dire que je ne voulais rien voir. Bon, j'aurais dû, évidemment, parce que le film s'est fait défoncer. Ben, je l'ai vu, et j'ai trouvé ça ignoble. Et ça a été vraiment quasiment une trahison, parce que, étant donné que j'aime beaucoup le film de base, j'aurais aimé que le film me propose autre chose, une autre... Enfin, c'est un thème quasiment infini en termes de potentiel cinématographique, j'aurais aimé qu'il m'amène une autre variation. Et là, il ne me l'amène pas, et en plus de ça, il fait une espèce de ressucé opportuniste. Et le Suspiria m'a finalement donné ce que je voulais voir. C'est-à-dire qu'il m'a donné cette sensation de... Avec le même matériel, on peut faire autre chose. On peut faire vraiment autre chose. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve ce remake de Suspiria malheureusement unique, mais vraiment, vraiment exceptionnel. On a terminé sur le remake ? On a terminé, bah... J'avais une petite conclusion après, mais... Vas-y. Non, mais t'en as déjà parlé, du coup, récemment, c'est-à-dire que, bah... Oui, forcément, le film divise par son statut de remake qui va part dans l'opposé même du film d'Argento. Donc ça va par principe rebuter certains, je dirais les plus fermés d'esprit. Mais ce qui peut se comprendre, c'est-à-dire que le film d'origine, enfin, après c'est un peu les mêmes que ce qu'il y a pu y avoir au moment de l'annonce du remake de L'Armée des Morts, pas de Zombies de Romero. Ouais, mais du coup, enfin c'est ce côté. Le film original est trop bien, pourquoi vous en faites un remake ? C'est des gens qui comprennent pas que le film original est le film original, et que le remake est le remake, et que ce sont deux œuvres différentes, et que c'est pas parce que tu fais une suite de merde à un film que t'aimes, ou un remake de merde à un film que t'aimes, que, oh mon dieu, t'as gâché le film original. Oui, on est d'accord là-dessus. Maintenant, moi, je peux comprendre qu'il y a le côté... on a juste pas envie de voir quelque chose qu'on a déjà vu. C'est ça qui peut être reçu. C'est ça qui avait été reproché à... Je me perds. Les derniers Halloween de Gordon Green. Où justement il y avait ce côté, oui, mais on l'a déjà vu. Et c'est quelque chose qui peut s'entendre aussi. C'est certes dommage de se limiter à ça, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de voir le film parce qu'on se dit, bah, ça existe déjà potentiellement mieux ailleurs. Donc pourquoi faire ça ? Oui, mais à ce moment-là, ce que tu dis s'applique à tout ce qui a une licence, c'est-à-dire à tout ce qui est un remake, tout ce qui est suite, c'est-à-dire que... Ah, mais c'est pour ça que moi, en général, je suis plus client de... C'est pour ça que j'ai toujours pas regardé One Piece. Parce que j'ai... Moi, c'est vrai que lorsqu'on m'annonce quelque chose qui est basé sur quelque chose qui existe déjà, dans 90% des cas, ma première réaction, ça va être... Bon, oui, en fait, c'est surtout vu l'état actuel du cinéma, où t'as quoi, 80% de la production, entre guillemets, grosse production, qui est basée sur des trucs qui existent déjà, mais même de loin, tu vois. Et moi, c'est quelque chose, pas qui m'énerve, parce que évidemment, j'essaie quand même d'aller voir, et on n'est jamais à l'abri d'une excellente surprise, à nouveau, ce Suspiria, ou les films dont on a parlé en sont la preuve. Mais, ça manque, tu vois, j'ai de moins en moins ce sentiment de nouveauté, j'ai de moins en moins ce sentiment de, là, je vais voir quelque chose, je sais pas ce que ça va me raconter. Par exemple, même le dernier voyage du Déméter, qui sortit récemment, alors que j'ai pas encore vu, hein, donc je me prononce sur quelque chose que j'ai. Je me prononce sur, uniquement sur le statut du film. Certes, sur le papier, c'est à peu près nouveau. C'est-à-dire que c'est l'idée de. C'est l'idée du Dracula sur le bateau dans le roman original. Sauf que ça a déjà été fait. Bah, à nouveau, c'est basé sur un roman qui a été multi-adapté, donc ça va me proposer des gimmicks que j'ai déjà vus. Ou alors, ça a déjà été fait dans la très bonne série Netflix, Dracula d'ailleurs, de Moffat, que tout le monde a oublié, j'ai l'impression, mais qui est vraiment super en trois épisodes. Je te recommande, trois épisodes, c'est vachement bien. Et ça nous, c'est ce truc de... C'est un épisode sur les films de bateau. Ouais, faut trouver quand même. Mais donc... Allez, parlons de Red 4. Oh non, c'est à nouveau ce truc de... Ouais, c'est original, mais pas vraiment. Et je sais pas, c'est ça qui manque. Après, est-ce que ça empêche l'éclosion de bons films? Non, à nouveau, Suspiria, les films dont on a parlé. Mais est-ce que, en revanche, ça limite la proposition de nouvelles formes, tout simplement? Potentiellement. Après, je pense que c'est un sujet à peu près infini sur d'où est-ce qu'on peut tirer nos œuvres, etc. Mais c'est quelque chose qui, moi, me travaille. J'avoue, en ce moment où, quand je vois une œuvre annoncée qui est déjà basée sur quelque chose qui existe, je me dis, oui, bon, c'est... Pourquoi pas? Mais pourquoi? C'est surtout ça. Bah, comme tout, c'est-à-dire que ce soit remake à un film, en faire une adaptation, c'est en faire une version différente. Oui, mais après, c'est vrai. Sur en quoi ça consiste sur quoi j'en perds mes mots. Sur comment faire un remake, c'est évidemment une bonne adaptation. Une bonne adaptation est une bonne trahison. On est d'accord sur ce point-là. Ma question, c'est vraiment que j'ai l'impression que le remake maintenant, ou le remake ou plutôt l'adaptation, en tout cas le fait de se baser sur quelque chose qui existe déjà, c'est devenu pas la norme, mais le mode par défaut. Et c'est ça qui m'énerve. Certes, après, ça a toujours été très présent. Hein. Oui, oui, bah évidemment, on a parlé de Hitchcock, on a parlé de Haneke. Ouais, mais même là, récemment, je me suis refait la trilogie du Parrain. Ça reste basé sur des bouquins aussi, enfin, La planète des singes, tout. Oui, mais à la limite. Énormément de choses sont basées sur des œuvres préexistantes. À la limite, le travail sur un livre, c'est. Il y a le côté, comment dire, il y a le côté changement de format. Oui, oui. Tu passes d'un livre à un film, où là, ça me dérange moins. C'est vraiment. Et même de passer de la série au film, en soi, tu changes de format. Oui, mais déjà moins. Déjà moins, tu vois. Oui. C'est vraiment que le livre a un côté, entre guillemets, à part. Mais c'est une question ouverte, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui, je pense, n'a pas de réponse. Hein, parce que si on s'attaque à la dernière. À la dernière news, quelle transition, on a eu pendant l'été la bande-annonce, enfin pendant l'été, quelques semaines là maintenant, quelques jours même, la dernière bande-annonce du film Five Nights at Freddy's. J'adore les jeux vidéo de base, tu vois, tu connais le principe, voilà, j'y ai jamais joué, mais Freddy je connais... Fazbear, Boo, etc. J'adore la saga de base, c'est une saga qui est assez intéressante, qui, au-delà d'avoir un concept mortel pour vraiment faire flipper, amène beaucoup d'éléments de narration en non-dit. C'est des jeux qui... ont en fait un univers, un lore et une histoire extrêmement complète et étoffée, que je vais pas m'amuser à vous résumer ici, il y a de très bonnes vidéos YouTube qui le font infiniment mieux que moi. Donc c'est vraiment des jeux qui ont un univers extrêmement étoffé, mais qui ne peuvent pas se deviner juste en voyant, juste en jouant comme ça. Et donc, ce que moi j'en attendais de voir de cette adaptation, c'est de voir ce qu'ils allaient proposer, c'est de voir comment... C'est-à-dire que c'est des jeux qui ont une histoire qui ne peut pas être adaptée au cinéma, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est à la fois trop complexe et en même temps vraiment trop radicale, on parle quand même d'enfants morts mis dans des animatroniques et tout ça, et vraiment d'enfants massacrés. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient en faire? Et en voyant la bande-annonce, j'avoue m'être dit... Ah, déjà... Bon, au moins, ils ont fait des vrais animatroniques, c'est déjà ça. Maintenant, ce qui me manque vraiment, ce que j'ai l'impression dans la bande-annonce, c'est qu'ils ont enlevé tout ce qui faisait le mystère du jeu, c'est-à-dire que... Bon, si j'emploie les noms des animatroniques, je vous laisserai aller chercher des images, vous pourrez les trouver. Springtrap est montré dans la bande-annonce, dans la dernière image, c'est lui, l'espèce de rab de lapin abîmé, etc. On a Chica, on a Bonnie, on a Foxy, on les a tous. Donc quelque part, tant mieux, c'est-à-dire quelque part, tant mieux, en tant que fan du jeu, je devrais être content. Mais ce qui me manque vraiment, c'est, comment dire, une vraie substance. J'ai l'impression que pendant toute la bande-annonce du Five Nights at Freddy's, on se retrouve avec des espèces d'appels de coude aux joueurs, et finalement une adaptation qui sera, je l'ai peur, peut-être un peu vaine. À nouveau, le film n'est pas sorti, il sort en octobre, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. FNAF. Donc on verra ce qui est proposé, sachant que c'est un projet qui date de longtemps. Le film FNAF, ça date d'il y a au moins 10 ans, voire plus. Il y avait l'histoire avec le créateur du jeu, qui voulait, mais qui voulait pas, et qui en fait, le créateur était une merde, enfin bref. C'est compliqué, mais bon, finalement, c'est le pape des projets désespérés, Jason Blum, qui s'attaque au projet, au moins il y a des thunes. Maintenant, on verra ce que ça donne. Au pire, il rejoindra le long royaume des adaptations de jeux vidéo pourris. On le rangera entre Prince of Persia et Silent Hill 2. Voilà. Et on attendra la prochaine adaptation de jeux vidéo qui a l'air cool, à savoir Silent Hill Returns. Return to Silent Hill. Return to Silent Hill, je crois que ça s'appelle, de Christophe Gans, avec Benoît Deby à la photo. Juste ça. Au moins, le film, on en prendra plein les yeux. Bref, toi, t'avais pas vu l'abondance de FNAF, je crois. Non, j'ai pas vu. Mais qu'est-ce que t'en attends du film, peut-être? Bah, FNAF, pour le coup, vu que j'ai jamais joué au jeu... Bah, du coup, tu connais pas du tout l'histoire et tout, toi. Bah, si, parce que je m'étais renseigné, j'avais... Donc, ouais. Vidéos sur ça, mais bref. C'est... Bah, conceptuellement, ça a l'air très intéressant. Après, au cinéma, à voir, du coup, parce que le principe d'un jeu vidéo d'horreur, ça reste quand même beaucoup l'immersion. Bah, ça, et surtout, le problème, c'est que d'autant plus dans des jeux en POV... le fait que tu t'identifies au personnage vient du fait que c'est toi qui as la manette dans les mains. C'est ça. Là où dans le film, en plus ils ont pris Josh Hutcherson, qui est un acteur éminemment sympathique, hein, mais bah, il a un peu une tronche, on a envie de lui donner des baffes, quoi, donc on verra ce que ça donne. J'espère juste un truc, c'est que ça va pas tomber dans le gore. J'aurais jamais cru dire ça, mais pour un film FNAF, je pense vraiment pas que ce soit nécessaire, en fait. Et j'espère aussi qu'il y aura pas trop de coups de coude aux années 80, parce que j'en peux plus. Bon, on a terminé l'épisode. Ouais, vite fait, pour la physique pour Suspiria. Oui, oui, on n'avait pas évoqué ça, oui. Alors, bah, Suspiria, il est dispo en Blu-ray en France. Voilà, dispo chez Metropolitan. Dans une édition assez banale, d'ailleurs. Le boîtier est noir, mais sinon... Voilà, ce qui est toujours en plus. J'adore les boîtiers Blu-ray pas bleus. Oui, bah c'est vrai que ça donne une petite personnalité. Ouais. Et sinon, si vous avez un VPN, il est sur le Prime américain. Sur le Prime anglais aussi, parce que je sais qu'Amazon Studio est derrière le film. Oui, bien sûr, Amazon Studio est derrière le film, ouais. Donc je me demande dans quelle mesure est-ce qu'ils n'ont pas acheté Amazon, enfin, est-ce qu'ils l'ont pas acheté pour, pas le monde, mais certains pays, notamment les pays anglo-saxons. Ouais. Je sais pas trop. Mais donc voilà, bref, foncez le voir, c'est génial. Bon, l'épisode est terminé. C'était l'épisode retour, on se remet en jambes. 2h25 d'épisode, ma foi, ça va être un plaisir à monter. Donc voilà, l'épisode est terminé, bon, évidemment, like, partage, commentaire, ce que vous voulez. Des retours, évidemment. Tout, n'hésitez pas, nous sommes ravis de lire ça. Et puis on se retrouve dans 3 semaines pour un épisode qui va être sympa, avec à nouveau pas mal de viande sur les murs, quand même. Bon voilà, donc à dans 3 semaines. Ah oui, et n'oublions pas, évidemment, l'étrange festival qui démarre... lundi ? Qui est mardi. Mardi, pardon. Alors, quand vous écouterez cet épisode, il aura démarré mardi dernier. Il aura démarré mardi dernier, mais bref. N'hésitez pas à y aller, il y a une pro... T'as déjà quelques projections prévues. J'ai quelques projets, notamment un cycle Begotten en présence du Réal. Begotten qui est... Qui est... Qu'est-ce donc que Begotten ? Begotten, c'est... Vous voyez tous les montages à la con de vidéos cursed horrifiques sur YouTube avec cette espèce de créature à la bouche énorme qui accouche en noir et blanc, voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a le dernier Soi Chiang, Matt Fate. Qui est diffusé. Donc Soi Chiang, réalisateur de génie, qui a réalisé dernièrement Limbo, qui est vraiment, vraiment un des tout meilleurs films de cette année. Pour ce qui est de la France, il y a Pandemonium de Quarks. Il y a Vincent doit mourir avec Karim Leclou. Ouais, que j'attends vraiment beaucoup, qui a très très bonne... Qui en tout cas a de très bons retours pour l'instant. Il y a aussi une projection, alors une carte blanche de Kirill Serebrennikov, où il choisit de montrer la montagne sacrée en présence de Alejandro Jodorowsky. Mm-hmm. Et il y a aussi Gareth Evans. Carte blanche de Gareth Evans avec A Cult Is My Passport. Une projection groupée de Le Kid de Chaplin, La Maison des Montagnes de Malek et un film de Buster Keaton, je sais plus lequel. J'avais vu passer, mais j'ai plus le nom aussi. Evil Dead 2, Dead or Alive de Miike. Ça, c'est la séance, une séance de Dead or Alive présentée par Gareth Evans, ça doit être bien, bien, bien énervé, ça. Voilà. Donc, bref, voilà. N'hésitez pas à y aller, et puis bon, un festival de cinéma qui ne propose pas des agresseurs à sa sélection, c'est suffisamment rare pour quand même soutenir. Bref, n'hésitez pas à y aller, et puis nous, on se reparle dans 3 semaines.